Charbonnière. Et puis Prisca qui se trouve à Saint-Pierre, elle a choisi le marché de Gros très tôt ce matin. Et pour savoir comment gagner un panier garni avec Réunion Première, il va falloir être à l'écoute, hein, à 9h50. Je rappelle à Zot, toujours le mot de passe, c'est Fruit de la Passion avec Réunion Première. Fruit de la Passion, chanson, ça non? Francky Vincent. Ah d'accord, ok. Oublie pas la fête, la musique, mes amis. Demain soir avec Réunion Première, à partir de 19h, il y aura concert Maloya. 5 heures de concert pour vous, les amis. Je vous souhaite de passer une belle journée avec Claude Montané qui arrive dans un court instant. Sur la première, on termine cette émission, la matinale, grand matin avec Yin Yang Zoro Chang jusqu'à percer. Même si des fois la vie donne pas l'espoir, il faut pas vous salir sur le trottoir. Et puis crois-moi, la vie c'est un gros bizarre et ne vivre rien pour de là. Et vous pouvez tout ça, ne peut pas garder le yin, vous jette le yang. Et vous pouvez tout ça, ne peut pas garder le yin, vous jette le yang. Ne peut pas garder le yang, vous jette le yin. Nous vivons dans l'obstination, perdus dans la confusion entre le bien et le mal. Là même le doute y installe. Nous vivons dans l'évolution, nous oublions même nos traditions. Devient infernal, il faut garder le moral. On aura toujours des riches et sales, les misères comme fait noir avec la lumière. On aura toujours la tentation pour défier la raison, mais faut l'esprit l'éclaire. En faisant le bien, des fois nous fait le mal, tout ça y fatigue le cœur. Nous n'aura beau essayer de comprendre, mais c'est un mystère. À force pense trop dollars, fini dollars. En sautant dollars, fini clochard. Comme des fois, nous l'a besoin la foi. Ça, ça trouve chemin, la croix. Et vous pouvez tout ça, ne peut pas garder le yin, vous jette le yang. Jette le yang, nous peut pas garder le yin. Pour nous jette le yang, nous peut pas garder le yin. Pour nous jette le yang, non non non, nous peut pas garder le yin. Pour nous jette le yang, nous peut pas garder le yin. Pour nous jette le yang, nous peut pas garder le yin. Pour nous jette le yang, Lord of Mercy. Le yin, le yang, Nena, bonnement au saut, comme ça existe, et bien presque toutes les vraies dedans. Jessica P.A.C., Zoro Chang, sur la première. Allez, tout à l'heure, on aura l'émission Claude Montané. Allô, première. Claude, avec nous, bonjour. Jackie, bonjour, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous parle l'alcoolisme à La Réunion. Pour lutter contre le véritable fléau, donc l'alcoolisme, il faut faire de la prévention, Jackie, que ce soit auprès des plus jeunes, des ados, mais aussi des adultes. Nous ferons le point avec les invités juste après le journal. Nous rappelle 12 PMI retirés à cause de l'alcool ce week-end. Allez, dans deux minutes, le journal de Cécile Thomas. Avant cela, des nouvelles du trafic. Vos trajets en toute confiance, c'est l'heure des inforoutes avec Honda Moto. Et vous êtes aux avirons, Yves Gruyer. Pour compléter votre information, il y avait également donc, des jeunes conducteurs. Ça veut dire qu'eux non plus, c'est même pas retiré, c'est, ils ont perdu leur permis, hein, tout simplement, parce que dans les jeunes conducteurs, les 6 points se perdent très vite et 6 points égale 0 point après. Voilà le trafic qui se fait correctement. Avenue Raymond Barre, ici en centre-ville de l'étang Salé. J'étais passé en descendant des avirons par Ravine Sèche, circulation sans problème sur cette petite route départementale sinueuse, route sèche justement, avec du soleil quand même qui domine ici, même s'il y a quelques nuages. C'est pas notre cas dans l'Est, hein, il pleut toujours. Donc une petite brune farine sur Sainte-Marie en allant vers l'Est. Et puis de la bonne pluie encore sur Saint-Benoît. Attention dans sur l'ensemble de ce réseau. Les protagonistes de l'accident sont toujours sur la bande d'arrêt d'urgence sur la route du littoral, juste avant le virage du Gouffre, en direction de l'ouest. Les secours étaient arrivés. On a réussi à maintenir donc uniquement la bande d'arrêt d'urgence concernée. Donc les deux voies étant libres, vous circulez à peu près correctement. Ça provoque quelques petits ralentissements de curiosité. Ça va mieux dans l'autre sens. Les ralentissements se situent quelques centaines de mètres après cette zone d'accident, après le virage du Gouffre et 1,5 km avant les Potences à peu près. Attention, il y a à peu près la moitié du pont Vincennes qui est encombré. La tranchée côté mer également. L'entrée est, si c'est roulant de Gilo jusqu'au virage de la Jamaïque, c'est quand même encore très dense en provenance de la Ravine des Chèvres, là où il y a cette zone mouillée. Côté ouest, eh bien c'est toujours à l'entrée de la tranchée couverte et puis ça circule pas trop mal sur le front de mer, route littorale, qui vous permet de rejoindre Saint-Paul par le Cap Plaoucet. Pas de soucis dans le sud, en tout cas c'est resté plutôt tout tranquille pour rejoindre Saint-Pierre en provenance de Saint-Louis ou du Tampon. C'était les inforoutes pour des trajets en toute confiance avec Honda Moto. Il fera entre 13 et 14 degrés au volcan, 23 à Sillaos, 25 sur la capitale sud à Saint-Pierre. Merci de votre fidélité à la première. Il est 8h01. Le journal avec vous, Cécile Thomas, bonjour. Bonjour Claude, bonjour à tous. Un nouveau mort sur nos routes. Hier soir, un piéton a été fauché par une voiture à Petite-Île. Les secours n'ont rien pu faire. Aux Assises, une affaire de vol avec violence qui s'est soldée par la mort d'un homme. La cour examinera les faits durant 2 jours. Où en est la loi El Khomri ? Elle mobilise la rue contre elle. Le texte est examiné par le Sénat. Nous ferons le point avec Célia Cléry. Nous irons à Mayotte à la rencontre d'une femme expulsée de son logement. Elle campe sur la place de la République à Mamoudzou. Elle a du mal à nourrir ses enfants. Et puis pas de titre pour les clubs réunionnais au final national de handball. Le calendrier de la compétition est remis en cause. Nous l'entendrons à la fin de cette édition. Réunion première, Cécile Thomas. Une 20e personne tuée sur nos routes. Hier soir, un homme d'une 50aine d'années a traversé la voie rapide à Grand-Anse. Il a été percuté par une voiture qui n'a pu l'éviter. Malgré l'intervention des secours, la victime a succombé à ses blessures. Les 5 personnes qui se trouvaient dans la voiture ont été fortement choquées. Plus tôt dans la journée, à Trois-Bassins, un jeune homme s'est noyé. Il faisait partie d'un groupe parti en mer sur des kayaks et un paddle. Les embarcations ont chaviré. D'après des témoins, la mer était agitée. Le corps de la victime a été retrouvé par les secours. 5 autres personnes s'en sont sorties. Aux Assises, la cour devrait examiner durant 2 jours une affaire de vol qui aurait mal tourné. Dans le box, Joël Hérault, il comparaît pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Il s'agira de comprendre comment est mort Maurice Épars en avril 2014 dans les Hauts-de-Saint-Paul. Rappel des faits avec Nadine Bachelot. Le 9 avril 2014, le corps sans vie de Maurice Épars est découvert à son domicile du Guillaume vers 10h30. Les hématomes sur le corps et l'environnement familial orientent les enquêteurs sur la piste criminelle. Le quadragénaire était connu dans le quartier pour s'adonner régulièrement à l'alcool et ce, depuis sa séparation avec sa femme en 2007. Il s'enivrait souvent avec ses amis et son frère, qui avait tendance à abuser de sa naïveté et profiter de son argent lorsqu'il percevait le RSA. 5 jours après la découverte du corps, Joël Hérault se présente spontanément à la gendarmerie de Saint-Paul pour reconnaître les violences. Quelles sont les raisons qui l'ont poussé à frapper l'homme ? Il semblerait qu'un vol commis à son domicile par la victime soit à l'origine des coups. Il aurait alors frappé Épars à coups de pied et de poing à la tête, au ventre et sur les jambes pour lui faire avouer le vol. Mais selon lui, la victime était consciente au moment où il est parti. D'après les conclusions du médecin légiste, Maurice Épars est décédé environ 36 heures après les faits. Nadine Bachelot. Et puis les suites du meurtre d'un homme samedi à Saint-Pierre. Le meurtrier présumé devrait être présenté au parquet aujourd'hui. Il aurait tiré sur son beau-frère un coup de fusil dans la tête après une altercation violente et un coup de sabre. Blessé à la tête, le tireur est allé chercher son fusil pour se défendre, dit-il. Il a fait feu à bout portant. Comme à droite, la gauche organisera des primaires en vue de la présidentielle l'an prochain. La décision a été actée samedi lors du Conseil national du Parti socialiste. Une décision prise à l'unanimité. Cette consultation se déroulera les 22 et 29 janvier prochains. Elle sera ouverte aux socialistes, aux radicaux de gauche et aux écologistes qui soutiennent l'action gouvernementale. Mais il faudra faire sans Jean-Luc Mélenchon du Parti de gauche qui a déjà annoncé sa candidature en solo, sans le Parti communiste. Si François Hollande choisit de se représenter, il devra donc passer par des primaires. Mais pour le moment, le président sortant n'a toujours pas annoncé qu'il comptait le faire. Le député socialiste Philippe Naillet espère bien qu'il briguera un nouveau mandat. Moi, j'ai soutenu le président Hollande quand il était à 3% en 2010-2011. Aujourd'hui, être président de la République, chacun sait bien que c'est extrêmement difficile. Viendra le temps de la campagne. Le temps de la campagne, c'est quoi? C'est expliquer ce que vous avez fait, le comparer à ce que la droite avait fait avant 2012, regarder ce que le président Hollande a fait, et après, confronter les projets. Je pense que quand viendra le temps de la campagne, les choses remonteront, en tout cas en termes de popularité, de sondage, pour le président Hollande. Et puis, je vais vous dire, la première élection du président au suffrage universel date maintenant de 1965. Il y a une constante depuis 1965, c'est que ce ne sont jamais les premiers ou le premier qui termine président de la République. Le député Philippe Naillet, interrogé par Priscilla Etève. Et l'un des projets de loi phare du gouvernement est loin de faire l'unanimité. La loi El Khomri continue d'agiter la France. Les débats se poursuivent au Sénat. Lors de l'examen à l'Assemblée nationale, les députés ultramarins Monique Orphée en tête avaient défendu une série de mesures propres à l'outre-mer. Où en est-on aujourd'hui au Sénat, Célia Cléry? À l'Assemblée nationale, c'est d'amélioration du dialogue social outre-mer dont il avait été question, avec en point de mire la réforme de la loi Perben de 1994. Elle n'automatise pas l'application des conventions collectives nationales dans les départements d'outre-mer. Les députés avaient aussi débattu de la représentativité des syndicats locaux dans les entreprises et du droit opposable à la formation, autrement dit l'accès systématique à une formation pour les chômeurs de plus de 2 ans. Au Sénat, ces amendements sont repris par les sénateurs ultramarins. Ils ont jusqu'au 28 juin pour convaincre dans une assemblée majoritairement à droite, à l'inverse du Palais Bourbon, et dans un climat tendu où l'article 2 de la loi El Khomri, même adopté par les sénateurs, continue à diviser. À l'Assemblée nationale, le gouvernement s'était montré plutôt favorable aux amendements ultramarins, de quoi rassurer peut-être les parlementaires d'outre-mer quant à la suite, puisqu'en cas de désaccord entre les deux chambres, comme sur la loi travail, c'est toujours l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Et la loi travail est donc examinée par le Sénat jusqu'au 28 juin. Ensuite, retour à l'Assemblée nationale à partir du 5 juillet. La responsabilité du gouvernement pourrait alors à nouveau être engagée via le 49-3. Après une dernière navette au Sénat, le texte devrait être adopté courant juillet. Au chapitre santé, l'intolérance au gluten, c'est une vraie pathologie. On estime que 500 000 personnes sont atteintes en France, mais 80% ne seraient pas diagnostiquées. Ces personnes doivent suivre un régime strict qui exclut les produits contenant cette protéine de céréales, notamment le pain est interdit, d'où cette idée qu'ont eu 2 sœurs boulangères. Elles fabriquent et vendent du pain et des pâtisseries élaborées sans gluten dans la seule boulangerie du genre à Saint-Louis, Suzette Emma. Voilà. Donc là, je suis en train de retirer les pains du four parce qu'ils sont cuits. De bons pains sans gluten que Kim Lee Fong-yang défourne et qui seront vendus dans sa boulangerie à Saint-Louis. Le cake d'amour, ouvert depuis 7 mois, ne propose que des produits confectionnés sans cette protéine de céréales à laquelle sont allergiques plusieurs personnes. Le projet des sœurs Fong-yang vient d'une idée toute simple. D'abord parce que je suis intolérante au gluten. Je le sais que depuis 5 ans. Je suis fille et petite fille de boulanger. Ça me manque énormément de ne plus manger de pain, en fait. Parce que quand on a une intolérance au gluten ou une allergie au gluten, il n'y a pas de remède. Kim Lee a travaillé plus de 6 mois avant de sortir un produit digne de ce nom parce qu'il n'était pas question de proposer des pains sans goût. On va utiliser des farines qui sont naturellement sans gluten. Par exemple, la farine de manioc, elle est naturellement sans gluten. On a fait le choix d'avoir des farines qui sont de plus certifiées par l'Association française des intolérants au gluten, c'est-à-dire la FDIAG. Du pain, mais aussi des cakes, des muffins, des fondants au chocolat, des gâteaux pays et même des pizzas. Des produits que consomme Michelle, une cliente régulière, et pourtant elle n'est pas intolérante au gluten. Parce que j'avais des problèmes de digestion, de ballonnement, de remontée acide, donc j'ai essayé de changer ça. Et Michelle assure qu'elle va beaucoup mieux aujourd'hui. Des petits muffins au petit déjeuner, les sœurs Fong-yang envisagent pour la rentrée de proposer leurs produits sans gluten dans des points relais aussi dans l'ouest et dans le nord de l'île. À Mayotte, cette période de Ramadan est particulièrement difficile à vivre pour les personnes expulsées de leur logement. Elles campent sur la place de la République à Mamoudzou depuis plus d'un mois. Pour l'instant, la générosité de certains leur permet de se nourrir, mais pas à leur faim. Le reportage sur place de Frahati Youssouf Saïd. Marceline Mihidjaï, 34 ans, fait partie de la première vague d'expulsés du Sud. Elle travaillait comme femme de ménage à Hanyundu, où elle vivait depuis 19 ans. Elle s'est toujours débrouillée pour nourrir sa famille, même si son salaire de 200 euros était insuffisant. Marceline observe le jeûne en ce mois sacré, mais aujourd'hui, elle et ses enfants ne mangent pas à leur faim. Mon quotidien est difficile, je ne travaille plus, on ne mange pas comme avant, quand on avait un chez nous. On a juste le strict minimum pour nous et nos enfants. Les associations ne font que nous aider, donc nous ne sommes pas en position de choisir quoi que ce soit. Cela fait un mois que le camp vit au rythme des dons alimentaires et autres colis faits par des associations comoriennes à Mayotte. Au fil du temps, les délogés se sont organisés. Pour ce mois de Ramadan, une liste est ainsi établie par commune de provenance et les différents groupes se relaient chaque jour pour préparer les mets du soir. Nadjal Garbi, membre du collectif de soutien. On a fait un emploi du temps par semaine, 5, etc., pour qu'ils puissent aller préparer, faire à manger pour tout le camp. Il n'y a pas une voiture pour amener la nourriture, c'est des bénévoles. Marceline, comme la centaine de personnes présentes sur la place de la République, espère des lendemains meilleurs, c'est-à-dire un logement et une école pour leur progéniture. Un reportage de nos confrères de Mayotte Première. En sport, la déception des clubs réunionnais au final national de handball en métropole. Ils n'ont pas décroché de titre ce week-end à Paris. Les Guadeloupéennes de l'Intrépide remportent celui de la N3. Toutes les autres équipes, Étoiles de Gondo et Réveil Sportif de la Martinique, Château-Morange et Tamponnaise pour la Réunion, ont chuté face aux équipes de métropole. Des échecs peut-être dus au rythme d'enfer que doivent suivre les équipes. Elles se rencontrent lors du tournoi des Outre-mer, puis enchaînent avec la finale nationale. Une formule fortement critiquée et qui pourrait évoluer. Emmanuel Grandin, le responsable de la commission Outre-mer à la Fédération française de handball. Mais je crois qu'on a encore amélioré les choses parce que cette année, au lieu d'un jour de repos, on en a eu deux. Alors, donc je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est qu'on a beaucoup réfléchi dessus, on a beaucoup discuté pendant la semaine. Ce qu'il y a, c'est que si on arrive à avoir 6 équipes venant des équipes camarines, on pourrait faire 2 groupes de 3, ce qui permettrait d'avoir beaucoup moins de matchs pour les clubs. Mais il faut savoir quand même qu'on a mercredi et vendredi comme repos. Donc on verra, on va encore réfléchir. Je crois que la formule est bonne, mais c'est par rapport au temps de récupération. Et puis il y a un choix à faire, parce qu'il faut se souvenir que les équipes métro ont entraîné les demi-finales. Et pour la finale, pour les finales, on avait très peu d'équipes ultramarines. Donc c'est pour ça qu'on a adopté ça. Donc il faut savoir faire un choix, il faut savoir ce qu'on veut un petit peu dans la vie. Emmanuel Grandin répondait à Alain Rosalie, des Réunionnais à Paris, et Benoît Kounkoud à La Réunion. L'ailier droit du Paris Saint-Germain est en vacances dans l'île. Il repartira demain. L'ancien joueur de La Source s'est accordé une semaine de répit avant d'attaquer la quinzaine de préparation avec les tricolores. Préparation pour les JO de Rio. Malgré un titre de champion de France, le Dionysien n'a pas encore gagné son ticket pour le Brésil. Claude Onesta, le sélectionneur de l'équipe de France, se prononcera le 14 juillet prochain. En attendant, à 19 ans, Benoît Kounkoud se dit prêt à prendre part à ces Jeux. Fort de sa première expérience dans une compétition internationale, c'était en janvier dernier pour les championnats d'Europe. On n'a pas gagné le championnat d'Europe. La forge a un mental parce qu'on a des épreuves difficiles quand il ne gagne pas. Et c'est ça qui sert à pour apprendre, pour avancer. Et après, il fait acquérir de l'expérience. C'est une compétition à part, c'est des moments à part, c'est des préparations de matchs à part, une récupération à part. L'apprentissage de l'adversaire, c'est à part aussi. Et tout ça, ben, une fois que vous connaissez, il est plus facile pour corriger les erreurs ou ne pas reproduire les erreurs, quoi. Donc voilà, c'est tout un apprentissage sur tout et rien, quoi. Je pense que c'est quelque chose de complet, et à moi, là, c'est vraiment, et j'espère que ça sert vraiment pour la suite. Benoît Kounkoud interrogé par Olivier de la Richaudie. Et puis pour ceux qui se lèvent tard sans avoir regardé le match de la France face à la Suisse hier à l'Euro de football, sachez que les deux équipes ont fait match nul, 0 partout, que Dimitri Payet est entré en cours de rencontre, qu'il a réalisé de belles frappes qui n'ont pas fait mouche cette fois. La France termine première du groupe A. Elle jouera son 8e de finale dimanche à Lyon. L'info revient à 9h. S'il n'y avait pas cette barre, Cécile Thomas. S'il n'y avait pas les buts, bah oui. Allez, on part à Paris pour la revue de presse, Claude. Bonjour Steven Nipat. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Et bien sûr aujourd'hui, on parle de l'Euro de football. Les Bleus n'ont pas pu faire mieux qu'un match nul contre la Suisse hier soir. Les médias nationaux parlent de service minimum. On aurait espéré mieux, un souhait exprimé par la plupart des quotidiens du jour. L'équipe de France n'aura pêché que par manque de réussite ou de réalisme, selon qu'on voudra voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Le 0-0 d'hier confirme que la France ne prend pas de but et qu'elle a du mal à marquer. Mais elle est première et jouera son huitième de finale dimanche à Lyon. Le quotidien sportif scrute les statuts des Bleus au cours de cette compétition en 10 jours. Eh bien, la hiérarchie a déjà évolué. Dimitri Payet s'est affirmé dans le 11 de départ. Anthony Martial, lui, a perdu du crédit, écrit l'équipe. Le Réunionnais reste le plus efficace de ce premier tour. Oui, car même remplaçant, Dimitri Payet se permet le luxe de rester en tête du classement de popularité des joueurs de l'équipe de France. Oui, il faut dire que son absence a plaidé pour lui. Au quotidien, l'équipe en aurait aimé le voir avec le Pogba bouillant du début de match, mais aussi être là quand le relayeur de la Juve a levé le pied. Mais c'est évidemment quand il est rentré qu'il a le plus marqué les esprits. Sa volée, vous en avez parlé, sur la barre est délicieuse et son coup franc contré par Sissoko partait très très bien. Oui, ça partait très bien, c'est dommage. Merci beaucoup Steven, à demain. Bonne journée. Merci, on est en huitième de finale. Le soleil est timide aujourd'hui, seule la région ouest pourra vraiment bénéficier de belles éclaircies. Et oui, pour les autres régions, c'est quasi la soupe un peu à la grimace, des nuages, des petites ondées, des averses, du vent, des températures fraîches dans les hauts. Le temps est de saison. Le syndicalisme est basé sur le clientélisme. On n'a pas de leçons à recevoir de personne. Nous sommes obligés d'aller prêter allégeance à la couronne. Je rejoins un peu le syndicalisme. Est-ce que ce n'est pas une forme de prise d'otage et de chantage ? L'actualité réunionnaise analysée. J'ai une personne cette carrière-là. De 12h15 à 12h45. Laissez travailler les gens. Pendant une demi-heure au moment du déjeuner. C'est dans l'actu sur Réunion Première. Envie de fraîcheur ? Vous avez accueilli ce matin les premiers fournisseurs. Prisca sur Réunion Première. Lundi au vendredi sur les étals des marchés de notre île. Avec vous. 5h45, 6h20, 9h55, 10h28. Et la fraîcheur. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Poussez les portes du conservatoire Rayonnement Régional. Elles vous seront ouvertes du 20 au 25 juin à Saint-Benoît, Saint-Denis, Saint-Paul et Saint-Pierre. Vous y découvrirez les nouveautés de la rentrée, la danse africaine et afro-cubaine dès 11 ans et redécouvrirez les danses traditionnelles de la Réunion, maloya, séga, quadrille. Toutes les informations sur ces portes ouvertes et les préinscriptions sur le www.conservatoire.regionreunion.com. Nutracini rayonne au conservatoire. À l'occasion de la fête de la musique, Réunion des musées régionaux vous invite à un rendez-vous exceptionnel gratuit le 21 juin à Stella Matutina. De 18h à 20h, ne manquez pas la conférence-concert de l'auteur de référence Jean-Pierre Lasselve. Au programme de cette soirée, présentation des premiers instruments, des musiques traditionnelles et intervention musicale avec la participation du groupe Vavang. Les danses longtemps seront à l'honneur. Quadri, séga, polka, valse, Nora l'ambiance le 21 juin à Stella Matutina. Plus d'informations sur www.museereunion.re. Réunion des musées régionaux, nos musées méritent qu'on s'y attache. Première. Yves Groyer nous attend à la pointe au sel. Où en sommes-nous dans la prévention de l'alcoolisme? Quel est le discours aujourd'hui tenu par les associations de lutte contre les dangers de l'alcool? Pensez-vous que les messages de prévention passent bien auprès de la population? Faut-il en parler souvent à la radio, dans les journaux? Le sujet est-il tabou dans les familles, selon vous? Et puis, comment aborder ce sujet auprès des plus jeunes? L'alcool est-il vraiment accessible trop facilement sur le département? On en parle jusqu'à 9h sur la première. Les questions, les réactions, les témoignages au standard 02 62 99 2000. 8h, 10h. Allô première, Claude Montanet. Prudence sur la route, il pleut ce matin. Roulez tranquille en suivant l'inforoute avec Autorelais. Autorelais, drive cool. Bonjour Yves. Bonjour Claude. Alors il ne pleut pas partout, mais c'est vrai qu'il pleut sur une bonne partie de l'île, notamment en partie nord. En ce moment, il pleut à Verse, là, attention sur Sainte-Marie et en direction de l'Est. Alors, lever le pied, on a eu cet accident tout à l'heure, alors les secours sont toujours sur place, la bande d'urgence toujours neutralisée sur la route du littoral, C'est une route légèrement humide, mais pas très arrosée donc depuis le début de matinée. Le trafic se fait normalement d'ailleurs pour aller vers la position, là où se situe cet accident avant le virage du gouffre. Par contre, dans l'autre sens, c'est à hauteur à peu près. Donc que démarrent les ralentissements pour aborder Saint-Denis avec un pont Vincennes encombré de moitié, la tranchée côté montagne et côté mer également. L'entrée est reste très dense, donc surtout la partie très arrosée de la déviation de Sainte-Marie. Après, il y a des zones roulantes avant de rejoindre le virage de la Jamaïque. Côté S, fin de 80, il y a un petit peu de monde également. Le temps est à la pluie. Restez très, très prudent. Côté ouest, ça se passe mieux puisque le ralentissement se situe sur le viaduc. En ce moment, on est passé après la tranchée couverte. Donc, pour rejoindre dans un premier temps l'échangeur de Belmen, dans un deuxième, l'échangeur de Savannah. Sur le littoral, route des plages, ça se passe bien ici. Donc, Pointe-au-Sel, la traversée de Saint-Leu, en provenance de l'étang salé ou des avirons, je vous trouvais tout à l'heure. Circulation sans contrainte également dans le sud, en tout cas le sud de première partie, hein, donc au moins jusqu'à Saint-Joseph. Après, le temps était également plutôt humide de Saint-Philippe en passant par le sud sauvage des pentes du Grand Brûlé. Donc attention, prudence, quelques travaux au programme ce matin sur la route de Sillaos, je vous en parle tout à l'heure. Bonne route avec Autorelais. Autorelais, drive cool. Planète Outre-mer sur la première, direction Saint-Pierre-et-Miquelon, qui est l'un des territoires où l'on peut observer des phoques, une espèce surtout appréciée des touristes. Caroline Marie. Planète Outre-mer, la chronique environnement présentée par Caroline Marie. À Saint-Pierre-et-Miquelon, lors de sorties en mer, il n'est pas rare de croiser des phoques. Ces veaux marins, comme on les appelle, sont le plus souvent massés sur les rochers le long des côtes, comme ceux observés avec Joël Decheverry de l'association SPM Fragile. Quantaine de phoques communs, de phoques veaux marins là. Juste devant nous là. Juste devant nous, ouais, sur les cailloux, en train de bronzer au soleil. à travers la brume, il y a quelques rayons quand même. Principalement, on les trouve dans un endroit appelé le Grand Barachois. C'est la plus grosse population qui se trouve là-bas. Et puis sinon, ils se prélassent le reste de la saison. Il y en a une certaine quantité qui se trouve le long des côtes et sur les cailloux, comme ça. Là. Le Grand Barachois est une lagune située sur l'isthme de Miquelon. Il fait environ 1000 hectares. C'est un site exceptionnel qui abrite une faune très variée. Roger Etcheberry, écologue. C'est un site qui abrite à peu près au plus de 1000 canards en hiver. Et puis l'automne, beaucoup de limicoles, hein, c'est-à-dire des oiseaux de rivage. Et il y a aussi beaucoup de phoques. Ah là, il y a beaucoup de phoques. Et deux espèces, le phoque commun qui est là toute l'année. Et il y a le phoque gris qui, lui, n'est pas résident. Il se reproduit sur l'île des Sables qui est située au large d'Halifax, Nouvelle-Écosse. Mmh. Et il revient ici au printemps, il arrive vers le mois d'avril-mai. Il y en a quelques centaines, un peu moins que du phoque commun. Qui est beaucoup plus gros. Les phoques sont considérés comme étant l'une des espèces emblématiques de l'archipel. Mais ce sont plutôt les touristes qui les apprécient. Si on est là aujourd'hui, c'est qu'il y a des visiteurs, il y a des gens qui ont envie de venir les voir de près. Il n'y a pas beaucoup de sites pour les observer non plus. Ici, c'est vraiment le site idéal. Qu'est-ce que ça mange en fait? Alors, les gens vous diront que ça mange du homard. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. En tout cas, je sais que les gens, eux, ils mangent du homard en quantité. Alors, pour sûr, ça ne leur fait pas concurrence, bien qu'ils le pensent. Et ça mange du poisson. Hein. Mais bon, les scientifiques qui ont travaillé ici disent que, d'après leurs observations, ils sortent en mer pour manger. Quoi. Parce qu'il n'y a pas assez de nourriture ici. À Saint-Pierre-et-Miquelon, certains pêcheurs considèrent les phoques comme des concurrents. C'était Planète Outre-mer avec le soutien de l'Agence française pour la biodiversité et le ministère de l'écologie. Merci Caroline Marie. 8h, 10h. Allô Première, Claude Montanet. Où en sommes-nous dans la prévention de l'alcoolisme? Rendez-vous dans moins de 3 minutes pour en parler sur la Première. Vos questions au 02 62 99 2000. Voici New Generation. Yo, ici. Oui. Non, Zaman. Fais tomber ça. Ça tu connais les faibles assises. les regards qui analysent. À soi, c'est la piste ou qui brise tout. Qui brise tout. Ça, oui, il connaît où danse bien. Il connaît où danse bien. Oui, il connaît où danse bien. Elle danse ça pour moi. Elle est seule, oui, il connaît où danse bien. Okay. Il connaît où danse bien. Oui. C'est pas ça le problème. La caffrine, la retoute, est banale, la ressort problème. Émile, si fasciné par ton déhancement. Gal, quand on fait roule, ça c'est le dégât, franchement. Et continue, arrête pas, fais pète la tête. Mais gal, la façon dont la bouffée, ça vous donne mal les têtes, les gars. Seul oui, les styles, pas tant, tout assume ça comme il faut. Ou quand pas donne tant. Seul oui, il connaît où danse bien. Il connaît où danse bien. Oui, il connaît où danse bien. Elle danse ça pour moi. Seul oui. Il connaît où danse bien. Il connaît où danse bien. Oui, il connaît où danse bien. Il y a vous. Chez nous la reine des reines de la dancehall ce soir. Moi t'as moins tout, c'est pas une technique. Mi veux voir. C'est Dios Pau. Mes blocs à nous posant ou pas. Sweep to the left, to the right. Côté corps. De la tête un des gars. Où l'a fait beaucoup. Again and again. Sweep to the left, to the right. Côté corps. Toute concurrente à soi leur danse. Il connaît où danse bien. Oui, il connaît où danse bien. Viens danser avec moi. Elle est seule. Oui, il connaît où danse bien. Masqué. Il connaît où danse bien. Oui, il connaît où danse bien. Il y a vous, il y a vous. Et c'est reparti again and again and again. Elle est seule. Il connaît où danse bien. Il connaît où danse bien. Oui, il connaît où danse bien. Balance ça pour moi, New Generation sur la première. 8h, 10h. Allô Première, Claude Montanet. Quel est le discours tenu aujourd'hui par les associations de lutte contre les dangers de l'alcool? On en parle sur la première avec nos invités Michel Bouvray de l'association Renaître sans alcool et Jean-Albert Rollin du club animation prévention de la ville de Saint-Denis. Messieurs, bonjour. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Alors il suffit de lire la presse en ce moment, d'écouter la radio, regarder la télé. L'alcoolisme fait toujours parler de lui, Jean-Albert Rollin. Absolument, et quand on voit ce qui s'est passé encore ce week-end, alors qu'il y avait eu un incident grave la veille, 12 personnes encore avec un taux délictuel, on en tombe assis, hein, parce que c'est vraiment incroyable, cette inconscience. On peut être jeune. 12 permis retirés, hein. 12 permis retirés pour des taux délictuels d'alcool. Je veux dire que même un drame de ce type ne sensibilise pas certains jeunes ou certaines catégories de gens, je ne sais pas, et c'est vraiment, pour le coup, absolument incroyable, hallucinant. On a l'impression qu'on rabâche toujours la même chose. Il faut répéter tout le temps la même chose, c'est la répétition. Il faut absolument répéter. D'abord, c'est aussi une méthode de prévention, sauf que il faut aussi, à un certain moment, entendre. Et là, il est le problème, parce qu'il y a un tas de situations qui font que, on oublie. Et c'est cet oubli-là qui, ensuite, crée l'insécurité. Parce que, quand on a bu, on se sent gaillard, comme on dit en créole. Mais nous assure, nous le bien, au contraire, même qu'on... Gaillard plus fort, invincible. On maîtrise. Alors que ce n'est pas du tout. C'est même le contraire. C'est même le contraire. C'est là où on est plus fragilisé dans ses réactions, dans le temps de réaction, dans la vision, dans un tas de problèmes physiologiques. Je ne parle pas de ceux qui sont mentaux, hein. Je parle des problèmes absolument physiologiques. On appuie sur le frein, le temps de réaction est largement diminué. C'est-à-dire que, par exemple, dans la prévention, il y a une association, il y a même la police, qui donne des lunettes. Oui. Pour montrer aux gens, lorsqu'on a bu des lunettes déformantes, qui font que ça correspond, selon la lunette, ça correspond au taux d'alcool. Ben, rien que de l'essayer, c'est un type de prévention qui est important. Parce qu'il n'y a rien que de l'essayer. Depuis que nous avons posté le message sur les réseaux sociaux, les gens donc réagissent beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis Roby qui nous dit, Michel Bouffray, vous faites partie de l'association Renaître sans alcool, Roby qui nous dit, il faut sensibiliser les jeunes, car c'est eux l'avenir. Mais les messages, les jeunes sont réceptifs à ces messages ? Ah oui, ils sont réceptifs, ils écoutent, ça les intéresse. Mais une fois qu'ils sont lâchés, si vous voulez, dans une boîte de nuit ou avec des copains, bon, ben, ils se rappellent plus du message qui est passé. Hein. Moi, ça fait quand même 24 ans que je fais de la prévention. Mais il y a eu 1992. Il y a eu du changement, vraiment, en 24 ans de prévention ? J'ai pas l'impression. Chaque dimanche, on voit qu'il y a plus de 10 permis de conduire qui sautent. Et c'est vrai aussi que nous, on vit aussi les associations, on a diminué, on a fondu comme la neige au soleil, on a diminué. Et l'État ne nous donne plus suffisamment de moyens pour intervenir dans les lycées, les collèges. Un exemple, hein, j'intervenais dans deux lycées à Saint-André, j'intervenais à Sainte-Marie. Bon, eh bien, depuis 3 ans, dans les lycées de Saint-André, je n'interviens plus parce que il n'y a plus d'argent. Pourtant, on ne demande pas grand-chose. Hein, on demande 25 euros de l'heure. Mais les infirmières qui nous coachent, eh bien, elles nous disent on n'a plus cet argent-là. Il n'y a plus de moyens. Oui, c'est ça. Je veux dire quelque chose d'assez amusant. D'après ce qu'elles disent, eh bien, une grande partie de leur enveloppe, ça passe dans la prévention sexualité. Bon, ben moi, je veux bien croire que la sexualité, c'est aussi un gros problème. C'est vrai. C'est vrai, quand on sait qu'il y a 600 jeunes filles mineures qui se retrouvent enceintes chaque année, d'accord, mais la sexualité, ça fait combien de morts sur nos routes, hein? Les chiffres, vous les connaissez peut-être, on l'a encore dit, l'alcool fait 250 morts chaque année, hein? Voilà. Michel Bouffray, Jean-Albert Rollin, les invités de Réunion Première. Nous irons retrouver Philippe de Saint-Pierre au standard de la Première qui souhaite réagir sur cette prévention, notamment si elle est efficace dans la lutte contre les dangers de l'alcool. Mais pour l'heure, l'information routière, il est 8h30 sur la Première. Votre trajet en toute confiance, c'est l'heure des inforoutes avec Honda Moto. Yves, vous êtes sur la Ravine Saint-Leu. Avec du soleil ici, je le rappelle parce que ce n'est pas le cas partout, il pleut maintenant même sur la même partie de la corniche, au moins jusqu'au virage du gouffre, attention, hein, donc la deuxième partie de la corniche plus au sec, restez prudents, et notamment pour vous qui arrivez de l'ouest, sur cette zone mouillée, avec ce changement d'adhérence, donc une circulation un peu compliquée, alors même si ça s'est libéré, notamment dans l'est, il n'y a quasiment plus de ralentissement pour arriver de Sainte-Marie jusqu'aux portes de Saint-Denis, jusqu'au front de mer, par contre la tranchée côté montagne bien pleine, Pont Vincennes également assez rempli. Côté entrée de Saint-Denis par la route du littoral, c'est juste avant les potences, à 100 mètres à peu près avant les potences que démarrent les ralentissements. Il y a toujours donc la présence des secours et de ces véhicules arrêtés sur la bande d'arrêt d'urgence avant le virage du gouffre en direction de l'ouest suite à cette collision entre deux voitures et en fait un blessé sans gravité. La circulation côté ouest toujours sur le viaduc, fin de route des Tamarins en direction du nord. Et puis ici sur Saint-Leu, ça se passe plutôt bien, hein, donc route sèche, les conditions plutôt bonnes. Mais également avec quelques surfeurs ce matin au niveau du spot. Voilà, côté sud, il n'y a pas eu vraiment de problème. Je rappelle qu'il y a ces travaux de pose de câbles EDF en souterrain. Ça se passe sur la route Sillaos, secteur Pavillon, dans le 20e kilomètre, prévu jusqu'au 8 juillet. La circulation se fait avec un alternat de 8h à 16h toute la semaine. C'était les inforoutes pour des trajets en toute confiance avec Honda Moto. Où en sommes-nous dans la prévention de l'alcoolisme ? 02 62 99 2000. 8h, 10h. Allô Première, Claude Montanet. Bonjour Philippe. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes de Saint-Pierre. Oui. Vous souhaitez réagir. C'est à vous. Exactement. Exactement. Donc d'abord, concernant l'alcool, hein, c'est le thème principal de votre émission. Qui peut m'expliquer pourquoi nous continuons à faire autant de publicité, 4 par 3, des trucs immenses sur l'alcool? Première question. Deuxième question. Quelqu'un qui arrive, quel que soit, bon là on va parler du dernier accident, mais quelqu'un qui arrive avec un taux de 4 grammes, soit il a consommé tout seul dans son coin, soit on lui a servi. Combien de bars ou de snacks ou de restaurants continuent à servir des gens qui sont alcoolisés? Il est inadmissible. Je veux dire qu'il y a une part de responsabilité de plusieurs personnes là-dedans. Il ne faut pas mettre la faute que sur, bien sûr, c'est lui le fautif, c'est lui qui a causé l'accident. Mais derrière tout ça, en anticipant un tout petit peu, d'abord les publicités, c'est inadmissible qu'on fasse des publicités à tout vent sur l'alcool, très dangereux pour la santé, on continue à inventer. Qui peut m'expliquer, à part le business qui est derrière le marché, qui tire le bénéfice de ça, d'une part, et d'autre part, soyons un peu plus vigilants, les forces de l'ordre, autour de certains bars très connus, des gens sortent complètement ivres, et malheureusement, le service de restauration, le snack ou autre, continue à servir. Donc c'est inadmissible. Merci Philippe de Saint-Pierre pour la réaction. Jean-Albert Rollin du Club Animation Prévention de Saint-Denis. L'IA, bien sûr. Les publicités. Bon, l'IA, il l'a dit, Philippe, le business. D'accord, ils ont un lobbying très important. Et on sait que les alcooliers, on travaille là-dessus. Et forcément, il y a un côté économique. Les seuls gagnants, c'est peut-être eux plus que l'État. Parce qu'ensuite, l'État peut-être touche les taxes, comme on dit. Mais il dépense ensuite dans tout. Ensuite, les effets collatéraux créés par l'alcool au niveau de la santé et au niveau notamment des accidents. Donc, les vrais gagnants, ce sont eux. Et ceux qui investissent le moins dans la prévention, ce sont eux. Et c'est ça qui est dramatique. Parce que ils peuvent avoir du business, ils peuvent aussi, les premiers, être conscients des dégâts. Parce que pas avec les, sur les 4 par 3, la petite mention, attention, l'alcool est dangereux, etc., pour la santé, etc., enfin, qu'on n'arrive même pas à lire si on n'a pas des grosses lunettes. Et, je veux dire que... C'est un message de prévention, là. Oui, c'est un message de prévention qu'on met tellement petit que les gens n'en tiennent pas compte. Il faudrait le mettre aussi gros que l'on met la publicité, c'est déjà ça. Si on mettait... Comme pour les paquets de cigarettes. Par exemple, hein, si on mettait la mention publicitaire en termes de d'affichage à la même dimension, en tout cas sur un panneau, ça serait peut-être pas la même chose. Mais il faut quand même admettre que il y a un côté réception des messages qui ne passe pas dans certaines occasions, parce que on consomme beaucoup d'alcool à La Réunion. Surtout ici. À La Réunion. Sur le département de La Réunion. On est des champions. Parce que, on est des champions. Je crois qu'on est deuxième ou troisième sur le plan national. Oui. Donc, je veux dire, important. On consomme beaucoup d'alcool. Et on accuse le rhum, qui est un produit local. Mais on n'est pas les premières consommations de rhum. On est consommation d'autres alcools qui sont aussi forts. Ou plus, les gens qui représentent ces alcools-là sont reçus avec des tapis rouges lorsqu'ils sont accueillis par les maisons mères ou par les usines, parce que ils vendent et ils n'ont que ça dans la tête et pas une once de retour, je veux dire, sur ce qui les fait vivre, hein, c'est-à-dire les gens qui boivent, parce qu'il faut quand même le dire, parce que ils n'ont rien à cirer, donc. C'est important aussi, il n'y a pas que, parce que je veux dire qu'il y a des institutions, et là je vais dénoncer fortement, il y a des institutions à La Réunion, monsieur Bouvray l'a dénoncé tout à l'heure, les diminutions de subventions pour les associations qui s'occupent, moi j'ai vu des associations disparaître. On réduit les budgets, c'est ça. Disparaître par manque de budget, des gens qui s'occupaient vraiment fortement de la lutte contre l'alcool. Oui, il y a pas que ça. Hein, c'est pas croyable, je veux dire, alors qu'ils devraient être aidés financièrement. Michel Beauvray, il faudrait partir en guerre contre ces bars qui servent de l'alcool. Effectivement, disons, il faudrait leur faire prendre conscience de leurs responsabilités. Dans mon quartier, il y a quelques années, il y a eu un accident et on s'est retourné contre le gérant du bar. Hein. Mais ça se fait pas souvent. Cette démarche, elle est très rare. Hein. Voilà. Et au niveau des grandes surfaces aussi, quand un jeune qui n'a pas 18 ans peut acheter de l'alcool, des bières, du whisky, du rhum, c'est impensable. Parce que vous, quand vous faites un chèque, on vous demande systématiquement une pièce d'identité. Hein, tandis que les jeunes, bon, c'est vrai que les jeunes, maintenant, ils paraissent certainement plus âgés que, que leur âge, mais ça n'empêche. Ça n'empêche, on devrait, de temps en temps, demander la carte d'identité. Moi, j'ai jamais vu, pourtant je fréquente les grandes surfaces comme, comme tout le monde, j'ai jamais vu quelqu'un à la caisse demander à un jeune une carte d'identité. Jean-Albert Rollin, au sein même du CAP, le Club Animation Prévention, comment vous fonctionnez? Comment vous travaillez? Vous faites beaucoup de terrain, vous avez des animateurs qui vont rencontrer ces jeunes, en parlent avec eux. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui pousse un jeune à consommer de l'alcool? Parce qu'il semblerait que ce jeune, il est de plus en plus jeune, et puis voilà, à 12, 13 ans, il a déjà goûté à l'alcool. Absolument. Il y a des statistiques qui le disent. Hein. Les jeunes commencent à boire de plus en plus tôt. Oui. Il y a des jeunes de très tôt. Oui. Il y a des jeunes de 13 ans. Il y a 47% qui avouent s'être enivrés au moins une fois, à 13 ans. Mmh. Il y a s'enivrer. Je parle là, je ne dis pas de boire un petit coup Pour faire comme les plus grands. Oui. Pour voir quel effet ça fait, c'est ça? C'est l'effet d'entraînement, l'effet de bande. L'effet voilà. D'entraînement. Et là, je dis encore une fois, il y a des interventions, bien sûr. Le club animation a des animateurs qui s'occupent de ça, il y a un secteur réservé aux addictions, hein, pas seulement à l'alcool, mais aussi, il y a un secteur spécifique de lutte contre les addictions et qui dispose donc. Et aussi dans les écoles, les animateurs qui accompagnent les jeunes dans les écoles, puisque nous occupons de 10 collèges et lycées et écoles élémentaires sur la ville, il y a une partie donc de ces animateurs ou animatrices qui s'occupent de cette problématique. Mais là encore, la partie qui s'occupe de ça est la partie la moins subventionnée de notre secteur. Je trouve que c'est dramatique et c'est ça qui est grave. Où en sommes-nous dans la prévention de l'alcoolisme? Les réactions sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de l'émission La Première, et puis le standard avec William de Saint-Pierre. 8h, 10h. Allô Première, Claude Montané. Bonjour William. Bonjour messieurs. Bonjour. Oui, bonjour. Donc je voulais intervenir, j'étais totalement d'accord avec l'auditeur précédent pour les panneaux, et c'est quand même grave. Là, juste en faisant 3 km, j'ai dû croiser 4 ou 5 panneaux vendant les phares vendants, avec de la publicité pour l'alcool, que ce soit en grande surface ou les marques elles-mêmes. Et le truc, c'est que j'estime que les forces de l'ordre, enfin, donc l'État en général, ne donne pas assez de marge de manœuvre aux forces de l'ordre pour faire plus de contrôle. Parce que hier, j'ai vu quelqu'un sortir de chez mon voisin avec femme et enfant complètement sous. Enfin, le conducteur était complètement sous, c'est lui qui prend la voiture et qui part. Oui. C'est quand même grave. Et apparemment, il est arrivé chez lui, heureusement, sans aucun accident, sans rien, mais c'est pas normal qu'il puisse quand même... qu'il puisse arriver déjà chez lui sans qu'il y ait quelqu'un qui puisse se contrôler. C'est malheureux ce qui s'est passé, vous étiez donc témoin de ça, mais on ne peut pas non plus mettre un policier, un gendarme, d'ailleurs chaque personne, vous comprenez aussi peut-être. Oui, je suis tout à fait d'accord, on ne peut pas mettre, ouais. Mais s'il y avait plus de contrôle que seulement le samedi soir, par exemple le dimanche soir, comme là hier c'était la fête des pères, s'il y avait... Ouais, ouais. Là où, sur une route normale, il y aurait au moins un contrôle, un peu plus qu'il y a en ce moment, en fait, surtout. Parce que les gendarmes et les policiers se placent toujours au même endroit, les gens connaissent où ils sont placés, donc ils passent par un autre chemin. Mais oui. Alors qu'il y aurait un deuxième contrôle sur un autre chemin, ils se seraient fait prendre et, voilà. Mais alors. Qu'on touche au portefeuille, qu'on touche au permis des gens, je pense qu'à un moment, ils arrêteraient de boire. Enfin, normalement. William, et sur la prévention, que pensez-vous alors sur la prévention? Sur la prévention, déjà au niveau des jeunes, qui puissent rentrer dans une grande surface, acheter de la bière ou du whisky, du rhum, peu importe, c'est pas normal. Que la caissière ne demande pas, ouais, mais est-ce que tu as vraiment 18 ans? Est-ce que tu as une pièce d'identité? C'est pas normal. Ma fille est partie acheter une bouteille de whisky pour mon beau-père. Elle a 12 ans. Elle est rentrée dans la grande surface, elle est ressortie avec la bouteille de whisky. Personne ne lui a rien demandé. Ouais, c'est plutôt affligeant là quand même comme ouais non alors là on va revenir sur ce témoignage. William, merci beaucoup pour votre réaction. Nous reviendrons aussi sur le sujet dans quelques minutes juste après Yves pour l'information routière. Vous êtes très nombreux à réagir ce matin. Jean-Albert Rollin du club animation prévention, une réaction. Oui, je sa fille dire. De 12 ans. Vous vous rendez compte du témoignage dans un commerce qui est ressorti avec une bouteille d'alcool. Après, il y a quand même un problème juridique. Je ne sais pas si les caissières sont habilitées à vérifier les cartes d'identité. Ça aussi, il faut faire très attention. Hein, parce que il y a un côté juridique et c'est facile. Et on peut pas faire n'importe quoi. Et si, dire à une caissière de vérifier les cartes d'identité, la personne peut refuser. Parce que légalement, ça se fait pas. Il faut que ça soit quelqu'un qui soit habilité pour vérifier. Michel Bouffray, alors votre sentiment sur ce que disait William à l'instant? Ben, effectivement, là, le contrôle, ça devrait se faire. Hein. De toute façon, c'est marqué que la vente d'alcool aux gens qui n'ont pas 18 ans est interdite. Hein. Voilà. Mais moi, je veux revenir sur quelque chose. C'est que les citoyens, finalement, on n'est pas suffisamment responsables. Hein, dans la cité. Responsable et aidé peut-être aussi, non? Voilà, parce que, bon, moi j'ai fait une cure de désintoxication en 92. Je travaillais dans un collège des je ne veux pas donner le... de Sainte-Clotilde, et il y avait beaucoup d'élèves qui se droguaient à l'alcool et aux amals. Et en sortant de ma cure de désintoxication, j'ai dit, Michel, hein, tu vas faire quelque chose. L'État t'a fait un beau cadeau parce qu'une cure de désintoxication, ça coûte quasiment aussi cher qu'une petite bagnole. Donc, tu vas militer. Et j'ai commencé à organiser un club santé dans le collège. Et l'année suivante, en 93, j'ai ouvert mon association Renaître sans alcool. Donc, c'est ça, chaque citoyen, on est responsable. Le citoyen, il n'est pas là simplement pour glisser un bulletin au moment des élections. Hein. Le citoyen, il est responsable de tous les gens de la cité. Nous reviendrons sur le débat. Jean-Marie de Saint-Denis qui patiente, Jean-Paul également de Saint-Pierre. Il est 9 ans moins le quart. Roulez tranquille en suivant l'inforoute avec Autorelais. Autorelais, drive cool. Yves, sur le secteur de l'Ermitage. Oui, avec une circulation correcte ici. Hein, donc, ce ciel toujours plutôt bleu. En tout cas, le soleil qui domine. La chaussée est toujours bien trempée jusqu'à la grande chaloupe à peu près. Attention, l'accident est terminé. Ça y est, les véhicules sont enfin partis au niveau de cette bande d'arrêt d'urgence. Ralentissement toujours de l'autre côté, quelques centaines de mètres avant les potences en direction de Saint-Denis, mais encore un petit peu de monde sur le pont Minsan, mais surtout la tranchée côté montagne. De nouveau, peu de ralentissement vers la ravine des Chèvres, mais à partir du plateau de la Marse, c'est roulant jusqu'à Saint-Denis. Bonne nouvelle côté ouest, par contre, sur la fin de la route des Tamarins, puisque les ralentissements sont en bas de viaduc au niveau de l'échangeur de Belmen. Donc ça se passe pas trop mal. Dans le sud, il n'y avait pas vraiment de difficultés. Je rappelle qu'il y a des travaux ici au niveau de l'Ermitage, notamment la circulation qui est toujours déviée dans le sens nord-sud, hein, donc par le centre-ville de la Saline des Bains. Vous êtes dévié uniquement dans ce sens nord-sud de 8h30 à 16h quasiment tous les jours pour la suite des travaux de réalisation de cette bande cyclable et encore pour au moins 2 mois de travaux ici. Hein. En ce qui concerne le trafic un peu plus loin, il y a des travaux également de marquage qui sont prévus entre l'œil de bœuf et l'ancienne 4 voies de Saint-Gilles. Attention à être prudent. Bonne route avec Autorelais. Autorelais, drive cool. 8h, 10h. Allô première, Claude Montané. Michel Bouvray de l'association Renaître sans alcool et Jean-Albert Rollin du club animation prévention de la ville de Saint-Denis. Jean-Marie de Saint-Denis. Bonjour Jean-Marie. Oui, bonjour. Bonjour. Dites-moi donc, quelle attitude faudrait qu'on prenne, chaque citoyen quand il est derrière un véhicule, voit avoir une conduite anormale, quand on voit son voisin partir, enfin son voisin ou quelqu'un prendre le véhicule, complètement imbibé. Qui appeler dans ces conditions-là? Parce que je crois que si on a une position responsable, si chacun d'entre nous a une position responsable, peut-être que ça éviterait des drames comme celui qui s'est passé sur le boulevard Sud, par exemple. Sur le boulevard Lancastel, pardon. Jean-Albert Rollin, pour répondre à Jean-Marie. Alors, je trouve que Jean-Marie a mis le doigt véritablement dessus. Oui. On a parlé de mettre des gendarmes derrière chaque individu. C'est impossible, ce qui est impossible. Par contre, il y a le côté soulevé, c'est-à-dire le civisme des gens. Vous voyez quelqu'un qui a bu, normalement, vous devez lui dire de ne pas prendre son volant. C'est-à-dire que on doit, par exemple, on parle de la gamine de 12 ans qui a été chercher de l'alcool. Pour qui que ce soit, je veux dire. Il y a forcément un adulte qui l'a envoyé chercher cet alcool. Maintenant que ça soit passé, que le caissière n'ait pas fait attention, etc. Mais il y a forcément la responsabilité de quelqu'un qui l'a envoyé. D'un adulte. Maintenant que ça se puisse passer sans qu'on puisse contrôler. C'est une deuxième chose. Mais, et c'est vrai que lorsque les gens qui sont autour, c'est eux qui n'ont pas bu, donc qui sont sensibilisés ou qui devraient avoir cette réaction. Pas forcément de téléphoner à un tel pour faire de la délation, mais de dire, d'imposer à la personne qui a bu de ne pas prendre son volant ou de ne pas faire autre chose. Ça se fait, Jean-Albert Rollin et Michel Bouvray, ça se fait. Les gens s'y osent, disent à un tel, ne prenez pas le volant, mais on se fait tout de suite ramasser, on se fait même insulter si vous dites ça à quelqu'un qui a bu. Ne prenez pas votre voiture, s'il vous plaît. On est responsable. À ce moment-là, il faut prévenir. Il faut prévenir, mais prévenir les autorités. Mais oui, Jean-Marie a raison, mais prévenir qui? Prévenir les autorités. Vous dites, faut quand même dire que si vous tenez téléphoné aux gendarmes, vous dites attention, il y a quelqu'un, par exemple, prenons le cas de la conduite addictive. Vous prévenez au lieu de téléphoner, au lieu de faire des vidéos, vous pouvez faire pour faire sur les réseaux sociaux. À ce moment-là, vous téléphonez aux gendarmes, vous téléphonez à des radios, je sais qu'ils sont friands de ça, mais qui sont écoutés, peut-être là aussi, que des drames peuvent être évités. C'est bien de filmer, de faire des vidéos pour aller faire sur les réseaux sociaux. C'est mieux d'avoir la réaction de téléphoner aux gendarmes, par exemple. Merci Jean-Marie pour la réaction. Jean-Paul de Saint-Pierre est avec nous. Jean-Paul, bonjour. Bonjour. Merci d'être voilà là. Voilà, moi, la petite question que je pose, quoi. Une façon de lutter justement contre cet alcoolisme au volant. Vous entendez bien là? Oui. Très bien, allez-y. Oui. Pourquoi la loi n'impliquerait pas les compagnies d'assurance dans la chose? Alors, je précise. Oui, alors on a un petit retour avec vous. Allez-y, continuez. Juste c'est comme la radio. Donc, je veux dire par là, faire impliquer aussi là-dedans les compagnies d'assurance. Je veux dire dans le sens où, lorsqu'on commet un accident et qu'on est à tort, l'assurance nous inflige un malus. Mmh. Et après plusieurs malus, on se fait éjecter, je dirais, de cette compagnie-là. Oui, ouais. Et si pareil, à chaque fois que la loi prenait quelqu'un en état d'alcoolémie délictuelle, à ce moment-là, il transmettrait, je dirais, ça paraît simple dans mon raisonnement à moi, mais après, quand même, transmettre ça à la compagnie d'assurance de l'intéressé, et l'assurance, à ce moment-là, elle serait autorisée, par la loi, bien entendu, à appliquer un malus. Et à la longue, je pense que ça ferait réfléchir un petit peu le contrevenant. Il se dit, je bois, si on me colle, mon bonus, il saute, et ainsi de suite, il se retrouverait comme quelqu'un qui a provoqué je ne sais combien d'accidents. Ouais. Michel Bouffray de l'association Renaître sans alcool sur la oui, proposition. Je crois que les compagnies d'assurance sont en train de... Alors oui, justement, je voudrais moi souligner le rôle de la MAIF au niveau de... On ne va pas citer le nom de l'assurance. Oui, d'une compagnie d'assurance qui fait de la prévention. Et toutes les fois qu'il y a des semaines de prévention dans les collèges, eh bien cette compagnie d'assurance, je ne vais pas la nommer, mais elle intervient, et ces gens-là, ils travaillent aussi comme moi bénévolement, et ils viennent souvent, ils s'appuient d'ailleurs sur des DVD que j'ai fait dans mon association, oui. À savoir décédé le passage. C'est un DVD que j'ai fait il y a une dizaine d'années et où on voit des jeunes justement qui ont un comportement plus que délictueux sur la route parce qu'ils ont bu, ils ont fumé le zamal et ce DVD, ben je l'ai, il y a des milliers d'élèves qui l'ont vu. Hein. On revient sur la prévention avec Rosa, qui est animatrice. Bonjour Rosa. Bonjour, Claire, bonjour tout le monde sur le plateau, bonjour mes collègues, que je ne connais pas d'ailleurs. Bonjour. Alors il y a Jean-Albert Rollin du Club Animation Prévention et Michel Bouvray qui donc, a créé l'association Renaître sans alcool. C'est à vous, Rosa. Mais nous, enfin moi je suis ben, Rosa, donc je travaille dans l'association Vie Libre qui existe depuis pas mal d'années, 63 ans. Et c'est vrai quand on entend ce genre d'émission, bon, on a envie de participer. Mais moi je reviens un petit peu à ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à l'accident qu'il y a eu. C'est pas seulement quand il y a un accident qu'il faut réagir. C'est ce qu'on fait, c'est bien en amont. Et tout à l'heure, quelqu'un disait que nous, au niveau des associations, ben, on se bat pour trouver des subventions. L'alcool gagne de plus en plus de gens, malheureusement, qui sont touchés. Et nous, au niveau des subventions, on en a de moins en moins. C'est-à-dire que nous, on fait de la prévention. Mais la prévention, là, monsieur avait raison tout à l'heure, c'est depuis la sixième qu'on commence à faire. Moi, je travaille avec les CM2 même. C'est-à-dire que plus on va faire la prévention en amont, plus on va essayer de, je veux dire, bah, au moins faire prendre conscience aux personnes, aux gens et aux familles. On ne pourra pas, comme monsieur tout à l'heure l'a dit, mettre un gendarme derrière chaque personne. Mais par contre, si on pourrait, au niveau des familles, arrêter de banaliser l'alcool et faire prendre conscience aux gens ce que c'est l'alcool dans les familles, on gagnera des vies. Merci Rosa, merci beaucoup Jean-Albert Rollin du Club Animation Prévention. Je vois. Alors, on revient toujours hein, sur cette... 12, 13, 14 ans, c'est jeune. À l'adolescence, c'est jeune. C'est à ce moment-là qu'il faut apprendre à ne pas boire et en tout cas pas être encouragé. Bah, elle disait dès la sixième, Michel Beauvray, il faut en parler dès le collège. Tout à fait. Tout à fait. Nous, on faisait de la prévention dans les collèges, effectivement. Devant des élèves de sixième. Bon, mais moi, il y a quand même quelque chose qui me chiffonne. Il y a une association, je ne vais pas la citer, mais qui est proche des alcooliers et qui, à mon avis, eh bien, ne fait pas du tout son travail de prévention. Alors, on dit que, effectivement, on fait de la prévention. Alors, on nous raconte, par exemple, que dans les pays nordiques, bon, il y a des mesures qui ont été prises. Contre l'alcool, contre la vente de l'alcool, tout ça, mais que les résultats sont mauvais, ils sont pas meilleurs qu'en France. Alors là, moi, je suis pas d'accord. Et l'année, on a eu un congrès à Saint-André où il y avait justement le représentant de cette association des alcooliers et qui ne prenait en compte que les malades alcooliques. Mais dans notre île, dans notre belle île, eh bien, il n'y a pas que les malades alcooliques, il y a les buveurs excessifs et il y a les buveurs occasionnels, mais aussi il y a les buveurs excessifs. On parle de 80 000 et buveurs voilà, excessifs ici sur le département. Tout à fait. Il y a même plus que ça. Hein. Moi, j'avais les chiffres. Il y a à peu près 130 000. Bon, ben, sans vouloir faire des comparaisons, mais autant que de chômeurs. Hein. Bon, mais là aussi, c'est pas seulement les chômeurs qui s'enivrent. C'est un peu ridicule. Hein. L'alcool, ça touche toutes les classes sociales. Mais Jean-Albert Rollin, oui, ça vous confirmez. Toutes les couches sociales sont concernées par ce problème. 100%. 100%. Parce que je vois dans les messages que nous avons, on parle de familles défavorisées, de chômeurs. Non, c'est-à-dire que c'est une fausse image, parce qu'il y a des familles défavorisées qui éduquent bien leurs enfants, et encore une fois, qui ne boivent pas. Bon, seulement, c'est plus facile de stigmatiser quelqu'un qui est dans le besoin, etc., que celui qui fait ce qu'on appelle... subtilement l'alcoolisme mondain et des gens qui boivent tout le temps et qui se cachent quoi pour boire et qui sont ça touche toutes les couches de la société mais alors là absolument certain et que il y a des gens qui sont des bons travailleurs qui ont des bons profils et puis un de ces jours ben ils passent mais dans le même temps c'est aussi un sujet tabou absolument et là c'est plus facile de pointer les chômeurs comme si tous les chômeurs étaient des, comment on dit en créole, des soulards, ce qui était, c'est absolument pas vrai. C'est un drame, bien sûr, qui pousse un certain geste de désespoir, mais il faut pas exagérer les choses. Les chômeurs, tous les chômeurs ne sont pas des alcooliques, et c'est faux de le dire, je le dis avec force, ça touche toutes les couches de la société. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur la première. Jean-Albert Rollin du Club Animation Prévention de la ville de Saint-Denis et à Michel Bouvray de l'association Roi d'être sans alcool. Merci encore. Merci. Votre AG en toute confiance, c'est l'heure des inforoutes avec Honda Moto. Yves, il y a une sortie de route à la Jamaïque. Yves. Oui, attention, ce véhicule a fait un tête-à-queue, chaussée glissante, juste à la sortie du virage de Jamaïque. Ça provoque un petit ralentissement qui se fait là en ce moment. D'ailleurs, si vous arrivez de Sainte-Marie en direction de Saint-Denis, avant l'échangeur du Chaudron, prudence. Et puis un peu plus loin, donc là, cette fois-ci, en direction de l'Est, et c'est le sens Saint-André-Saint-Benoît concerné par un accident, mais on n'a pas beaucoup de précision. Il n'y aurait que des dégâts matériels, donc pas vraiment de gêne. Attention, prudence, hein, si vous circulez en direction de l'Est, la route est trempée partout, mouillée. Surtout sur la région nord et la région est en ce qui concerne le trafic, petit ralentissement avant le tunnel du Cap Bernard, des ralentissements bas de viaduc au niveau de l'échangeur de Belmen, et puis sur Saint-Denis le pour Minsan, ça va mieux. Par contre, la tranchée côté montagne reste toujours très encombrée. Attention, prudence sur une grande partie, face à l'est de l'île, du sud au nord, la route est trempée, prudence. C'était les inforoutes pour des trajets en toute confiance avec Honda Moto. Après le journal de France Info, posez toutes vos questions aux experts de la première. Au menu ce matin, les droits, les devoirs du propriétaire et du locataire. Le standard est à votre disposition. 02 62 99 2000 et par SMS au 06 92 608 335. On parlera aussi un petit peu des règles de mitoyenneté, les règles de l'urbanisme. Et puis on peut aussi revenir sur des sujets comme la fosse septique par exemple, ou les branches de l'arbre du voisin qui arrive chez vous. Est-ce que vous pouvez les couper ? La réponse risque de vous surprendre. Il est 9h sur la première. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Décevant, mais qualifié, les Bleus ont fait match nul hier soir face à la Suisse dans l'Euro de football. Il n'y avait vraiment pas le feu au lac. Qualifié, c'est l'essentiel, il l'était déjà, mais on va entendre des supporters un peu perplexes. Une femme à la mairie de Rome, c'est une première en Italie et un triomphe pour les 5 étoiles de Beppe Grillo. Le récit de la soirée électorale dans un instant à Rome. Une victoire militaire contre Daesh, une catastrophe humanitaire pour des dizaines de milliers de civils. Fallujah est en train de tomber en Irak, mais ça se paye au prix fort pour la population. On va retrouver dans le journal l'envoyé spécial de France Info sur le front irakien. Également dans l'actualité de ce lundi, les obsèques du couple de policiers tués il y a une semaine à Magnanville et la polémique autour du nouveau service d'Amazon à Paris. France Info. Les Bleus qualifiés donc pour la suite de l'Euro, mais des Bleus encore décevants hier soir. Oui, décevants, mais premiers de leur groupe. Ils étaient déjà qualifiés pour les huitièmes de finale de l'Euro, bravo. Mais ils n'ont pas fait mieux qu'un match nul, 0-0 face à la Suisse. Et les supporters ne leur disent pas bravo, en tout cas pas sur ce match-là. À Lille pour France Info, une soirée vécue avec les supporters par Philippe Randé. Pas facile pour les supporters de commenter un 0-0 entre la frustration après ce France-Suisse et le soulagement d'être premier du groupe. Thibaut a du mal à se faire un avis sur ces Bleus version 2016. Bah non, mais je peux pas trop rien dire. Je pense qu'il manque un peu d'envie, quoi. Un peu de créativité au niveau du milieu de terrain, je trouve que c'est... Mais même les attaquants, c'est pas terrible, terrible. On sent qu'ils, je sais pas, ils sont pas encore rentrés dedans, quoi. C'est un euro qui est poussif pour toutes les équipes, finalement, pour tous les favoris, mais peut-être qu'il faut aussi qu'il y ait un peu des matchs couperés pour redonner un peu de motivation, peut-être. Mais voilà, là, c'est vrai que c'est très, très poussif. Et pour l'instant, c'est pas terrible. C'est pas terrible, c'est aussi l'avis de Fabien Bonnel, le responsable du groupe de supporters Les Irrésistibles Français. Fabien Bonnel n'a pas raté un match des Bleus depuis 4 ans. Il attendait cet Euro 2016 avec impatience et au bout de 3 matchs. On aimerait bien s'enflammer beaucoup plus, on aimerait bien pas attendre la 89e, on aimerait bien avoir des buts dès la première mi-temps, des buts en deuxième mi-temps. Ils ont été ric-rac sur les 3 premiers matchs. Maintenant, il va plus falloir qu'ils se cachent, il va falloir qu'ils donnent tout. Même si c'est un 3e, il y a des 3e aujourd'hui dans certains groupes qui vont être meilleurs que la Suisse, l'Albanie ou la Roumanie. Donc il faut faire très attention dès le 8e de finale, qu'ils aillent bouffer les adversaires, quoi. Il faut vraiment qu'ils leur rentrent dedans. Nous, on sera là pour les encourager, on sera là pour les pousser. Maintenant, il va falloir qu'eux aussi ils se bougent sur le terrain. Et Fabien et tous les Irrésistibles Français seront donc à Lyon dimanche à 15h. En attendant, ils vont tranquillement suivre les derniers matchs du premier tour à la télévision pour connaître l'adversaire des Bleus en 8e de finale. Lille, Arthur Gerbeau, Philippe Rendez, France Info. Et dans l'autre match du groupe de la France hier, une victoire historique pour l'Albanie qui a battu la Roumanie 1-0. Première victoire dans une grande compétition pour les Albanais, ce qui leur laisse un espoir de qualification au titre justement du meilleur troisième. Et au programme du jour, Russie, Pays de Galles et Slovaquie, Angleterre. C'est ce soir à 21h, soirée de football à vivre en direct sur France Info, la radio officielle de l'Euro 2016. France Info. 17h presque 4, une première en Italie avec une femme maire de Rome. Virginia Raggi, première femme élue maire de la capitale italienne. C'est une avocate de 37 ans et c'est la figure montante du mouvement 5 étoiles du comique Beppe Grillo. Totalement inconnue du grand public et des électeurs il y a encore quelques mois, y compris à Rome. Et pour une première, c'est un triomphe. Près de 67% des voix, un camouflé pour le parti démocrate du président du conseil, Matteo Renzi. À Rome pour France Info, Mathilde Imberti. Les militants du mouvement 5 étoiles saluent leur nouvelle héroïne. Virginia Raggi rafle la mairie de Rome. Mi sento di dire che questo è un momento storico. C'est un jour historique. Per la prima volta, Rome a une femme maire. Un sindaco donna. Questo cambiamento. Ce changement fondamental, on le doit au mouvement 5 étoiles. Nous travaillerons pour ramener la légalité et la transparence dans les institutions. Fini les partis traditionnels, les citoyens sont au pouvoir, s'enthousiasme Giulia. Elle ne sera pas toute seule, il aura les citoyennes à travailler avec elle. Parce que pour la première fois, les protagonistes sont les citoyennes. On sait que ça ne sera pas facile, mais on va essayer cette changement. Le mouvement 5 étoiles décroche Rome, mais aussi Turin, quatrième ville d'Italie. Ce n'est que le début, espère Marco, militant romain. Après Rome, après Turin, on accédera bien au gouvernement. C'est une grande responsabilité. On se met en danger ici, à Rome. C'est un test pour nous et pour toute l'Italie. Soirée de triomphe pour le mouvement 5 étoiles. Le Parti démocrate évite la déroute à Milan. Le centre-gauche conserve la capitale économique de l'Italie. Rome, Mathilde Imberti, France Info. Au Royaume-Uni, un moment de recueillement cet après-midi à Westminster, au Parlement britannique. La campagne pour le maintien ou la sortie de l'Union européenne va marquer une nouvelle pause, le temps que les députés, rappelés pour une session extraordinaire, rendent hommage à leur collègue Joe Cox, assassiné il y a une semaine. Le référendum sur l'Europe, c'est jeudi, et d'ici là, les parlementaires britanniques vont tous rencontrer un officier de police pour revoir les mesures de sécurité qui les entourent. En Irak, une percée des forces gouvernementales contre Daesh. Les forces irakiennes ont chassé les djihadistes du groupe État islamique du centre de Fallujah, à une cinquantaine de kilomètres de Bagdad. Un revers pour Daesh qui contrôle quand même encore plusieurs quartiers. Mais l'un des derniers bastions de Daesh en Irak est en train de tomber. L'offensive des soldats irakiens a permis à des milliers de civils de fuir vers les camps de réfugiés. Mais là aussi, c'est un drame humanitaire qui est en train de se jouer. Le point de la situation avec Omar Waman, l'envoyé spécial de France Info en Irak. Les combats font toujours rage à Fallujah, mais cela n'a pas empêché Haider el-Abadi, le premier ministre irakien, de proclamer la victoire après l'importante percée vendredi des forces irakiennes jusque dans le centre de la ville où désormais flotte le drapeau national. En quelques heures, la mairie et l'hôpital, deux centres de commandement des djihadistes, sont retournés dans le giron de Bagdad. Reste dorénavant à chasser les islamistes ultra-radicaux du nord de Fallujah où ils se sont retranchés. Cette avancée majeure a surtout permis la libération en trois jours d'au moins 30 000 habitants qui étaient pris au piège au milieu des combats, des civils qui sont passés de l'enfer de la guerre à celui des camps de déplacés déjà saturés. Les ONG qui sont totalement submergées par l'afflux de civils évoquent une situation tragique. Des centaines de familles dépourvues de tout vivent dans des conditions sanitaires déplorables et sont contraintes de dormir par terre faute de tentes. Bagdad, Omar Waman, France Info. Les obsèques du couple de policiers tués lundi dernier à Magnanville sont célébrés ce matin dans l'Hérault, la terre natale de Jean-Baptiste Salvin, qui sera inhumé avec sa compagne Jessica Schneider à Montagnac, près de Pézenas. Hier, plusieurs milliers de personnes se sont à nouveau rassemblées à Mantes-la-Jolie, à l'appel cette fois de la communauté musulmane pour rendre hommage à ce couple de policiers. L'histoire avait marqué les esprits, le corps d'une petite fille de 15 mois retrouvée sur une plage de Berck-sur-Mer. C'était en novembre 2013, le corps d'Adélaïde retrouvé par des pêcheurs sur une plage du Pas-de-Calais. Neuf jours plus tard, la mère de la petite fille, Fabienne Cabot, était arrêté en région parisienne. Son procès s'ouvre ce matin devant les assises de Saint-Omer. Le procès d'une mère infanticide à la personnalité très complexe et un geste qui reste incompréhensible. Delphine Gotcho. Pourquoi le 19 novembre à la nuit tombée, Fabienne Cabou a-t-elle déposé sa fille sur le sable après lui avoir donné une dernière tétée et attendu que la mère monte ? Deux ans et demi après ce geste, il n'y a que des fragments de réponses donnés par Fabienne Cabou elle-même et par les psychiatres qui l'ont examinée. Elle parle d'une force qui l'a poussée, qu'elle devait mettre son enfant à l'abri d'un danger qui la menaçait. Les experts, eux, évoquent une psychose délirante, une altération importante du discernement au moment du passage à l'acte. Mais pour son avocate, Fabienne Roy-Nancion, cette mère infanticide ne rentre dans aucune case. L'infanticide, c'est souvent l'aboutissement de la maltraitance, d'une façon ou d'une autre d'ailleurs. Et là, c'est tout le contraire. Pourquoi après 15 mois de bons soins et d'amour et d'amour. Michel Lafont, son ancien compagnon de 27 ans, son aîné, témoigne lui aussi de cet amour entre Fabienne Cabou et leur fille. Un amour fusionnel entre une mère et une enfant sans existence. Elle n'a pas été déclarée à l'état civil. Michel Lafont sait qu'il devra répondre aux questions sur son implication en tant que père. Il éprouve de la culpabilité, assure son avocat Christian Saint-Palais. Des signaux m'avaient-ils été envoyés ? Ai-je été à la hauteur ? Bien sûr qu'il y a cette souffrance, cette recherche, cette introspection. Je pense qu'il n'a rien à se reprocher. Fabienne Cabou a dit à son avocate qu'elle voulait parler devant la cour d'assises, tenter d'expliquer ce geste qu'elle ne nie pas. J'ai tué ma fille, mais elle me manque tous les jours. Et le verdict est attendu vendredi. Amazon fait polémique à Paris. Le nouveau service de livraison rapide de produits frais et de produits du quotidien ne passe pas du tout à la mairie. Livraison express en une heure, à domicile, à Paris et dans la petite couronne. Après les États-Unis et l'Angleterre, le géant américain de l'Internet débarque sur ce créneau particulier, cette fois à Paris, et ça va de la culture aux jouets, en passant par l'alimentaire. Mais la mairie n'a été mise au courant que quelques jours avant et elle s'inquiète d'une déstabilisation des équilibres commerciaux parisiens. Autrement dit, c'est vu comme un danger pour le commerce de proximité. Et un résultat de basket, c'était le sommet de la saison nord-américaine cette nuit. Cleveland remporte pour la première fois de son histoire le titre NBA en battant en finale le champion sortant Golden State. Les Cavaliers et leur star LeBron James ont remporté leur quatrième victoire décisive, 93-89, et un triomphe personnel pour LeBron James qui compte désormais à son palmarès 3 titres dans la NBA. Merci beaucoup Jean-Christophe Martin pour le journal. Il est 7h10. L'info revient à 10h. 9h10 sur Réunion Première. Ce soleil est plutôt timide aujourd'hui. Seule la région ouest pourra vraiment bénéficier de belles et surtout des températures très très fraîches dans les hauts. Vous souhaitez en savoir plus sur vos droits en tant que propriétaire, vos devoirs également, c'est important. Quelles sont les règles de l'urbanisme? Un locataire peut-il entamer des travaux sans l'avis de son bailleur? Que dit la législation? Qu'en est-il des règles de mitoyenneté? Votre fosse septique présente des fissures, comment faire? Les branches de l'arbre du voisin qui arrivent chez vous, est-ce que vous pouvez les couper? Nos experts sont à votre écoute, 02 62 99 2000 et par SMS 06 92 608 335. Les experts de Réunion Première, 02 62 99 2000. Réunion Première. Davis Icard. M'y rappelle encore. Qu'aime ça les loin, mon main dans les votes, où amène à moi, là si somme à l'école, m'y ramasse avec soin, mon premier flair pour m'y rappelle encore. Un premier dessin, panga et débord, d'ouret assis côté moi. Si à table en pose, l'espère mi wa bien, mon deuxième flair pour. Oh, bouquet flair la boue, pour dire mon reconnaissance, mon amour. Oh, mon sentiment, mon goût. Prends. Oui, bouquet fleur à la boue, oh maman. Oui, bouquet fleur à la boue. M'y rappelle encore, comment tes chagrins, comment tes cauchemars, ou même tes viens, comment tes vies bêtises, contre auquel te corrige, là dans vos bouquet fleur boue. M'y rappelle aussi. Fais-moi oublier un pas, toujours possible pour des enfants ou des familles, là-dedans car on flaire pour. Oh, bouquet flaire la boue, dis mon reconnaissance, mon amour. Oh, mes sentiments, mon goût. Prends, oui, bouquet flaire la boue, oh maman. Oui, bouquet fleur à la boue. Oh, maman, me connaît. Que mon jamais. Ça quoi me tigote, ça coule la bataille. Passe au temps fabou, ça y passe avant tout. C'était tout un pays flair l'amour, il fait mon bouquet flair pour. Merci à vous, oh maman. Ti à vous, miem à vous. Les experts sur la première, Maximilien Flosy de la chance d'un départemental d'information sur le logement, Jean-Paul Constancin du conseil d'architecture de l'urbanisme et de l'environnement. On a un peu de mal ce matin et puis nous irons retrouver Vanessa au téléphone sur la première. La réunion n'est pas répétée, un sacrage épilé. Réunion première, ils fêtent la musique. Ce mardi 21 juin, 5 heures de concert 100% local. À partir de 19h, le bal la poussière des Dallons du Carrousel. Groove Lélé, Marmaï Lacour, Destin Maloya, Tanaka Maloya. Ce mardi 21 juin, dès 19h, rassemblés ensemble au bal. La fête de la musique sur Réunion Première. Première. 8h, 10h. Allô Première, Claude Montané. Messieurs les experts, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, Jean-Paul Constancin, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Vous êtes en pleine réflexion, c'est ça? Oui, oui. Vous réfléchissez à ce qu'allait dire Vanessa, ce qu'elle a prévu de nous dire, Vanessa de la Plaine. Alors, j'ai Ravine des Cabris et la Plaine. Vanessa, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous appelez de quel côté? Du Tampon. Du Tampon, d'accord, parce que j'avais la Ravine des Cabris. Vanessa, vous êtes locataire? Tout à fait. Ah, d'accord, ok. Merci, Brandon, pour l'information. D'accord. Bon, allez-y, Vanessa, s'il vous plaît. Oui, donc je voulais me poser une question ce matin. J'ai signé un bail en 2014, donc avec un propriétaire privé. Et donc ce premier bail qui a été signé, c'était pour une durée d'un an. On a re-signé un deuxième bail donc l'année dernière, au bout de fait un an. Et sur ce nouveau bail, donc c'est un bail qui part pour 3 ans. À aucun moment, donc, c'est stipulé que c'est un renouvellement de bail ou quoi que ce soit. Et je viens de constater que sur ce nouveau bail-là, à aucun moment, ils ont écrit que j'ai déjà versé, enfin, que j'ai versé une caution. Est-ce que ça, c'est normal? Est-ce que ça, c'est très important dans un bail ou pas? Vanessa, Vanessa du Tampon qui pose sa question aux experts de la première, Maximilien Flosy. Jean-Paul Constancin, vous restez avec nous Vanessa s'il vous plaît, on s'occupe de vous de suite. Oui, merci. Maximilien Flosy. Alors plusieurs choses. La première chose c'est qu'un contrat de location classique, hein, j'entends par là un contrat non meublé, ça dure au minimum 3 ans. Et la loi est d'ordre public. Qu'est-ce que ça veut dire une loi d'ordre public? Ça veut dire que même si vous marquez quelque chose qui est contre la loi dans le contrat et que vous le faites signer, contre-signer, c'est quand même la loi qu'on applique. Donc votre premier contrat, il était déjà de 3 ans. Enfin bon, il a été re-signé à nouveau pour 3 ans au bout d'un an, donc très bien, vous êtes titulaire d'un contrat de 3 ans. Si vous avez versé une caution, comme vous dites, alors moi je préfère appeler ça un dépôt de garantie, parce que oui, la caution c'est un petit peu différent. Dépôt de garantie, mais on dit toujours la caution, comme on dit frigidaire pour les réfrigérateurs. Alors on met un petit copyright parce qu'on a cité une marque, mais je ne sais pas si elle existe toujours. Donc, on dit normalement un dépôt de garantie, ça consiste à verser un mois de loyer net, maximum, qui vont servir au propriétaire en cas de dégradation, en cas d'impayé, à la fin du contrat notamment. Si vous l'avez versé, cette somme, et que vous avez des traces de ce versement, bon, bah, ça vaut dépôt de garantie, et puis c'est tout. C'est en général marqué dans les conditions générales. Conditions générales, vous savez, c'est ces trucs écrits en tout petit dans les contrats qu'on lit jamais. Donc, en général, il est prévu qu'il y a un dépôt de garantie, même si c'est pas repris dans les conditions particulières. Oui. Maintenant, si rien n'a été versé, qu'on ne vous a rien réclamé, que rien n'est marqué dans le contrat, ça veut dire qu'on vous a loué sans dépôt de garantie. Bah, écoutez, tant mieux pour vous. Ça n'est pas illégal. C'est une possibilité pour le propriétaire de demander un dépôt de garantie qui est limité à un mois, mais ça n'est pas une obligation. D'accord. Et donc, justement, par rapport à ce dépôt de garantie mis sur contrat, si je dois quitter pour un logement social. Quitter le logement pour un logement social. Le logement privé pour un logement social. Quel est mon délai pour un préavis? Alors, dans ce cas-là, lorsque vous êtes attributaire d'un logement social, c'est une des causes qui réduit le délai de préavis, qui est normalement de 3 mois à 1 mois. Il y en a d'autres, il y a la mutation, la perte d'emploi, le fait qu'on perçoive le RSA, ou si votre état de santé justifie votre déménagement. Ça aussi, ce sont des causes pour réduire le délai à 1 mois. Et l'attribution d'un logement social est également une cause pour réduire le délai à 1 mois. Il faudra en justifier, bien entendu, au propriétaire, dans la lettre de congé. Il ne faut pas se louper, parce que si vous loupez là-dessus, si vous ne mettez pas le justificatif dès le départ, il y a quand même un risque que ce soit transformé en préavis de 3 mois. On n'a pas encore suffisamment de jugement là-dessus. Préciser et justifier. Même si elle justifie, même si elle a tous les papiers, le propriétaire pourrait refuser ou pas? Non, c'est la loi. Le propriétaire dit On peut avoir un propriétaire qui n'est pas d'accord et qui pense que vous devez continuer à payer le loyer et les charges. Parce que le préavis, ça consiste en quoi? Ça consiste en l'obligation de payer le loyer et les charges, même si vous avez déjà quitté les lieux. Si vous restez dans les lieux, vous payez le loyer et les charges, ça c'est tout à fait normal. Si vous quittez avant la fin du préavis, vous devez payer le loyer et les charges, même si vous n'y habitez pas. À partir du moment où vous êtes dans la loi et que le préavis est réduit à 1 mois, vous arrêtez de payer au bout d'un mois, que votre propriétaire soit d'accord ou pas. À charge pour lui d'aller devant le tribunal s'il le souhaite. Mais si vous avez un argument pour réduire le préavis à 1 mois, vous gagnerez. D'accord. Ok. Est-ce que nous avons répondu à toutes vos questions? Oui. Ça va, rien d'autre à demander? Du tout. Merci. Parce que moi, j'ai Jean-Paul Constantin qui n'a pas encore parlé. Donc, vous n'avez pas une question pour lui? J'aimerais bien lui demander s'il voudrait bien payer moi 1 mois de préavis, pour ça. Jean-Paul Constantin. Ça dépend du montant. Vanessa, merci beaucoup. Très bonne journée. À bientôt. Merci. Merci d'être avec nous. Merci de votre fidélité. Maximilien Flosy de l'Agence départementale d'information sur le logement. Jean-Paul Constantin du Conseil d'architecture du Hall de l'urbanisme et de l'environnement sont nos experts jusqu'à 10h. 02 62 99 2000 pour toutes les questions. Quand j'ai froid, elle se fait lumière, comme un soleil dans l'existence. Quand j'ai mal, elle se fait prière, elle me dit tout dans un silence. Quand je souffre, elle souffre avec moi. Quand je ris, elle rit aux éclats. Mes chansons sont souvent pour elle, elle sera toujours ma merveille. Quand je ne suis pas à la hauteur, elle m'élève plus haut que le ciel. C'est son sang qui coule dans mes veines, et des souvenirs par centaines bercent mon cœur de 1000 étoiles. Elle est ma quête, elle est mon graal. Oh mon Dieu, laissez-les-moi, les beaux yeux de la maman. Enlevez-moi même tout le reste, mais pas la douceur de ses gestes. Elle m'a porté avant le monde, elle me porte encore chaque seconde. Elle m'emportera avec elle, je lui serai toujours fidèle. Quand je me blesse, elle est douceur, comme une caresse dans l'existence. Quand j'abandonne, elle devient lionne et me relève avec patience. Quand j'ai la folie des grandeurs, elle me ramène sans me faire mal. Elle est dans ce monde infernal, mon étoile parmi les étoiles. Oh Oh mon Dieu, laissez-les-moi, les beaux yeux de la maman. Enlevez-moi même tout le reste, mais pas la douceur de ses gestes. Elle m'a porté avant le monde, elle me porte encore chaque seconde. Elle m'apportera avec elle, je lui serai toujours fidèle. Les beaux yeux de la maman, enlevez-moi même tout le reste, mais pas la douceur de ses gestes. Elle m'a porté avant le monde, elle me porte encore chaque seconde. Elle m'emportera avec elle, je lui serai toujours fidèle. Oh mon Dieu, laissez-les-moi, les beaux yeux de la maman, enlevez-moi même tout le reste, mais pas la douceur de ses gestes. Elle m'a porté avant le monde, elle me porte encore chaque seconde. Elle m'emportera avec elle, je lui serai toujours fidèle. Les yeux de la Mama Kenji sur la première. 8h, 10h. Allô première, Claude Montanet. Patiente au standard, Jessie de Saint-Denis. Mais tout d'abord, nous partons sur Saint-Benoît. Brice est avec nous, bonjour. Bonjour, Brice, Réunion Première. Bonjour, merci d'être avec nous. Maximilien Flosy, Jean-Paul Constantin sont nos experts. Nous sommes sur les droits des propriétaires, les droits des locataires, mais aussi sur les règles de l'urbanisme et les règles de mitoyenneté. Voilà. Et vous souhaitez en savoir un peu plus sur le permis de construire. Oui, voilà, je souhaiterais construire une structure métallique de 18 mètres carrés, hauteur de 2 mètres, pour... donc, allô ? Allez-y. Brice. Oui, pour stocker du matériel, donc savoir si c'est s'il faut que je pose un permis pour ça. 18 mètres carrés, c'est ça ? Ouais, 6 mètres sur 3 mètres. Structure métallique. Structure métallique, c'est la grande tendance en ce moment, donc on fait beaucoup de constructions avec des structures métalliques. Jean-Paul Constantin. Alors, entre 5 et 20 mètres carrés de surface de plancher ou d'emprise au sol. C'est-à-dire que même si ça n'est pas fermé, ça fait de l'emprise au sol. Donc là, il faut une déclaration préalable. Cette déclaration préalable, par rapport au permis de construire, c'est bonnet blanc, blanc bonnet, à peu près. Et de toute façon, les règles d'urbanisme, même si c'est pour moins de 5 mètres carrés où aucune formalité n'est exigée, les règles d'urbanisme doivent de toute façon être respectées. C'est-à-dire les règles de recul, de hauteur, de vue sur les voisins, etc. Quoi. Enfin, non, il n'y a pas de voisins. Il n'y a pas de voisins. Ah bah il y a toujours des voisins qui parlent, même si... Oui, oui. Bon, enfin bon, voilà, en gros, c'est... Les règles d'urbanisme doivent être respectées. La déclaration préalable ou la demande de permis de construire, ce sont des formalités qui permettent de vérifier qu'on les respecte bien. Oui, d'accord. Dans le cas de la déclaration préalable, c'est un délai d'un mois d'instruction. Et pour le permis de construire, c'est de 2 mois pour une villa et 3 mois pour autre qu'une maison individuelle. Mais à part ça, c'est tout. Hein. Les taxes sont les mêmes. S'il y a lieu de percevoir des taxes, c'est-à-dire s'il y a de la surface de plancher close et couverte, il y aura des taxes. Ouais. Et puis, il y aura également une taxe un peu pernicieuse, qui est la taxe d'archéologie préventive, qui ne concerne que les bâtiments qui ont qui entraînent des mouvements de terre ou des fondations supérieures à 50 cm. Brice, donc, la réponse est oui, il faut... Une déclaration préalable. C'est pas un permis, c'est préalable. Voilà, mais le dossier, vous ne vous faites pas d'illusions, le dossier à joindre est quasiment le même. C'est vrai. Alors, la réponse de Maximilien Flosy. Oui, le dossier est quasiment le même. Il doit y avoir la couleur de l'imprimé qui change, peut-être. ce qui vous fera une belle jambe, comme on dit. Après, c'est surtout le délai de traitement qui est plus court. Le principe, c'est qu'en permis de construire, on attend l'autorisation. Et en déclaration de travaux, si on ne vous interdit pas pendant un certain délai, ça veut dire que vous pouvez faire les travaux. Donc ça va plus vite en déclaration de travaux qu'en permis de construire, parce que les ouvrages sont de faible importance, ou de relativement faible importance. Mais en gros, vous devrez expliquer ce que vous faites à la collectivité, à la mairie, qui est là pour faire respecter un petit peu les lois et règlements. C'est-à-dire dans le document, je dois mettre la destination du bâtiment. À quoi ça sert ? Oui, bien sûr. Ok, pas de problème. Merci Brice. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt sur la première. 8h, 10h. Allô première, Claude Montané. Jessie de Saint-Denis, bonjour. Bonjour Claude. Bonjour. Ça va ? Ça va très très bien. Maximilien Flouzy et Jean-Paul Constantin répondent à toutes les questions ce matin. Ouais. Et alors la vôtre est assez surprenante. Posez-la s'il vous plaît. J'ai vu d'un magazine, je ne dirai pas le nom, j'ai découpé le papier, j'ai amené aux deux sociétés N que mon mari dedans et moi aussi. Oui. À 70 ans, on ne doit plus augmenter le loyer. Et le mien, il est au courant. Où j'habite, il est au courant. À 70 ans... On ne doit plus augmenter le loyer. Le loyer ne devrait pas augmenter, mais ce n'est pas fini, parce que vous nous dites, vous avez laissé votre question aussi avec Brandon. Voilà, l'autre question, c'est... C'est que j'ai vu dans le même magazine et je dois écrire au ce commissaire-là en France, envoyer une enveloppe timbrée. Et à 70 ans, quand on a 20 ans dans le local, comme j'ai 75 ans, on a plus de 20 ans, j'ai 22 ans dans mon local, on ne doit plus payer le loyer mais que les charges. C'est comme si vous avez payé déjà le logement. On ne devrait plus payer le loyer, mais alors... uniquement les charges. Alors oui, là, je sais pas. J'ai vu ça dans un magazine, je dois écrire justement pour savoir, me rendre une réponse, je dois envoyer une enveloppe timbrée et tout, et pour savoir exactement. Alors vous savez que le but de l'émission, c'est de répondre à toutes les questions. Oui. Pour cela, je fais appel à des spécialistes, donc ce sont des experts, et ils vont de suite vous répondre, et vous allez être aussi surpris. Hein. Maximilien Flouzy. Alors, il y a quelque chose qui me fait un petit peu peur dans ces deux affirmations, qui sont fausses aussi bien l'une que l'autre, c'est qu'on ces vous demande... Ces infos dont elles disposent, elles sont fausses. C'est totalement faux. Le loyer, il est révisé chaque année. Actuellement, il ne bouge pas parce qu'il n'y a pas d'inflation. Ouais. Les loyers sont indexés sur l'inflation. L'IRL, l'indice de référence d'accord. des loyers, c'est l'inflation hors loyer, hors tabac. Bon. Mais les loyers évoluent s'il y a une clause qui permet d'évoluer dedans. Quant à l'âge du locataire, ça n'entraîne pas de droits particuliers. Sauf lorsqu'on n'est pas très très riche, quand on vous donne un congé, il faut vous retrouver un relogement dans certains cas qui sont très précis. Mais sinon, il n'y a pas de droit. Ce qui me fait un petit peu peur dans votre histoire, c'est cette histoire d'envoyer une lettre timbrée à quelqu'un. Oui, moi, j'ai un petit peu l'impression que ça part sur l'escroquerie, ça. En France. Oui, écoutez. Je peux vous donner ça hors antenne si vous voulez. Hein. Volontiers, mais je crains fort qu'ensuite on vous demande de l'argent pour vous expliquer quelque chose qui ne vous servira à rien. Moi, cette histoire d'envoyer une lettre timbrée à quelqu'un sur la base. Un magazine, ça me paraît très très suspect et j'ai un petit peu l'impression qu'on vous promet un petit peu la lune ou de gagner des millions non, ou d'avoir des cheveux qui repoussent. Je prends toutes les semaines. Écoutez, ça m'étonne beaucoup. En tout cas, c'est une grosse bêtise. Enfin, ce sont deux grosses bêtises qui sont affirmées dans ce magazine. Alors, en même temps, vous êtes à la radio, mais on vous appelle au portable. Non, portable, c'est quelqu'un. Non, d'accord. C'est le loyer augmenté, où je suis en ce moment, dans le local. On m'a dit ça, on le sait. À 70 ans, on ne doit plus augmenter le loyer, ça, on le sait. C'est faux. Alors, voilà, Jessie, ça, c'est la c'est réponse. Clair, elle est totalement claire, faux. Elle est précise. Ce n'est pas une bonne information que vous avez, là. Ah bon voilà. Donc j'en suis désolé, mais malheureusement, désolé, mais... faites attention, parce que si vous vous mettez en tort sur la base d'une fausse information, c'est vous qui aurez tort, vous ne pourrez pas vous retourner vers le magazine. Non, j'ai amené le papier découpé, j'ai amené dans le local où j'habite, le propriétaire là. Oui, Jessie, oubliez cette information. Voilà. D'accord. Ils m'ont dit, il est au courant. Merci à vous, Jessie. Allez. À bientôt, à bientôt sur Réunion Première. Les questions, les réactions au standard de la première, 02 62 99 2000. 8h, 10h. Allô Première, Claude Montané. Avant d'avoir Frédéric de Sainte-Marie, Christian de Saint-Denis, bonjour. Oui, bonjour, tout le monde sur le plateau. Bonjour. Voilà, je vais faire rapide ma, comment ça, ma question est, voilà, ma femme a hérité le bien de ses parents. Donc, il y avait une vieille maison en bois sous sol. Et comment dirais-je, alors, donc, la maison, elle est démolie, elle est vieille, donc il n'y a plus, on a tout raclé. Là, on recommence à construire. Est-ce qu'il faut faire une demande de permis pour construire la même maison? Ma première question est ça. Et ma deuxième, il y a la cuisine qu'on a commencé à refaire. Il y a le voisin de derrière. Le voisin a tout bouché. C'est-à-dire, j'ai trois petites ouvertures de naco, trois lames ou quatre lames de naco par ouverture. Il a tout bouché avec de la pierre artificielle derrière. Est-ce qu'il a droit? Est-ce que je dois péter le pied ou quoi, s'il vous plaît? Je vous écoute. Maximilien Flosy. Alors moi je vais répondre sur la partie, il a mis des pierres artificielles, si j'ai bien compris, sur mon mur, même si votre mur il est en limite de propriété, même à la limite si, sans mauvaise foi d'un côté ou de l'autre, vous avez empiété sur chez le voisin, on peut pas faire justice soi-même, donc on peut absolument pas boucher des ouvertures. Par contre, si vous avez le droit, vous, de vous mettre en limite de propriété avec des nacos un petit peu pour aérer et éclairer votre maison, hein, je parle pas de choses qui laissent passer la vue, mais des nacos qui sont un peu hauts. Laisser entrer la lumière, ça, voilà. Ça c'est possible. Bah, c'est possible, mais le voisin, il peut lui-même monter également en limite de propriété dans ce cas-là. C'est l'ancienne cuisine, hein. L'ancienne cuisine, ça a été déjà là depuis, initialement, je dirais. Qu'importe. Mais là, lui, il a monté un mur, il a bouché, enfin, il a pas monté un mur, il a bouché carrément les trois ouvertures derrière. Donc, si moi, je fais quelque chose qui fume un peu, on rit, on gagne, je sais pas, n'importe quoi, on cuit. Et toute la fumée reste dans la cuisine, quoi. Il n'y a plus d'aération, si vous voulez. Alors, deux choses. Normalement, si vous pouvez vous le mettre en limite de propriété, vous aviez des ouvertures sur un terrain, le voisin, il peut monter un mur, il a le droit de clore son héritage, comme on le dit. Ceci étant, si vos ouvertures, vos nacos d'aération de votre cuisine, si ça a plus de 30 ans, vous pourriez éventuellement prétendre qu'il y a eu une servitude qui s'est constituée par le temps qui passe, par l'usage, parce que ça a plus de 30 ans et que c'est continu, et demander, alors à l'amiable de préférence avec le voisin, qu'une solution soit trouvée pour que, à nouveau, il y ait un système d'aération ou d'évacuation des fumées qui soit monté. Mais sur le fait que votre voisin monte un mur contre la limite, à la limite de sa propriété, ça, il a le droit de le faire. Il a le droit de le faire, d'accord. Même si ça lui bouche le jour, quoi. Ben, l'ouverture, elle avait été faite à l'époque probablement sur un terrain où personne n'habitait, donc c'était bien pratique. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a un droit à s'éclairer chez le voisin, surtout si c'est des nacos. C'est pas un droit qu'on acquiert comme ça parce qu'on a fait une ouverture. On est censé, quand on met en limite de propriété, prévoir une autre source d'éclairage pour sa cuisine. Jean-Paul Constança, pour répondre toujours à Christian de Saint-Denis. Il y a un aspect strictement sanitaire, c'est-à-dire que si le seul moyen d'évacuer les fumées que vous produisez, ce sont ces nacos, je vous souhaite de cuisiner avec un masque à gaz pour filtrer les fumées, parce que votre cancer du poumon n'est pas loin. Il faut vraiment, quand on produit de la fumée, il faut l'évacuer par une cheminée, etc., en haut du toit pour qu'il y ait du tirage. Il faut tout prévoir. Etc., etc. Donc en fait, c'est peut-être pas très intéressant de garder vos nacos. Le voisin les a bouchés assez frais. Je serais tenté de dire, profitez-en, mais faites quelque chose de correct en toiture qui évacue bien, voire même s'il y a un risque de nuisance pour les voisins, pourquoi pas envisager un filtrage également. D'accord. Mais oui. Une hotte fumée, par exemple. Une hotte, mettre une hotte, par exemple. Ben oui, une hotte. C'est une solution. Avec des filtres à charbon, etc. Parce que c'est pas simple, c'est pas sain du tout comme situation. Et je ne parle pas encore de l'aspect, comment dire, légal ou pas. Ouais. Non, moi, c'est... Enfin, voilà, quoi. Ok, ben, j'ai compris. Donc, je préfère me renseigner pour ne pas avoir d'histoire, c'est pas mon style. Ça, hein, c'est important, c'est important, voilà. Mettez toutes les chances de votre côté, mon garçon. Voilà, je veux le faire, vous inquiétez pas. Après, pour la maison, c'est une maison sous, il y a une cinquantaine d'années, on va dire. Oui. Elle est bousillée, donc on a tout nettoyé, on va reconstruire dessus. Est-ce que je suis obligé de faire une demande de PMI pour refaire la même chose? Jean-Paul Constantin. Oui, oui, parce qu'en fait, ce ne sont pas des travaux de réparation ou de quoi que ce soit, c'est une reconstruction, donc c'est un permis de construire sans ambiguïté. Il n'y a vraiment aucun doute là-dessus. D'autre part, par rapport à un bâtiment ancien, oui. Je vous mets au défi de reconstruire exactement la même chose. Vous allez changer les accès, vous allez faire des portes différentes, des fenêtres différentes, un toit avec une hauteur différente, etc. Enfin bref, ça sera un bâtiment qui sera différent de toute façon, même si l'emplacement c'est le même, peu importe, ce sera un nouveau bâtiment. Et ce nouveau bâtiment devra respecter les règles d'urbanisme, de recul, de hauteur, etc. Et donc souvent, les anciens bâtiments étaient des fois un peu proche des limites séparatives, et bon, donc ça pouvait poser des problèmes. Voilà, Christian. D'accord. Et pour la façade de devant. Et pour la façade de devant. Maximilien Flosy. Ben, ça dépend des règles d'urbanisme. Vous avez, en fait, vous avez démoli l'ancien bâtiment, donc on repart un petit peu à zéro. Donc au niveau du style, des reculs, des hauteurs, des matériaux qui sont utilisés, etc., vous serez un peu soumis aux règles d'urbanisme, comme si vous construisiez, en fait, une maison neuve. Merci Christian. Okay. Merci à vous. Au revoir. Tout le monde, quoi. Bonne journée, merci beaucoup. À vous, très bientôt, à très bientôt. Jean-Paul qui patiente au standard, Jean-Paul de Saint-Denis. Je vais juste saluer Frédéric de Sainte-Marie. Bonjour Frédéric. Bonjour Claude. Bonjour. Bonjour. Frédéric, donnez-moi deux minutes, oui. Parce que j'ai des experts qui sont fans de Justin Bieber, le genou. ils ont envie d'écouter son nouveau titre, d'accord? C'est parti. Voilà, merci à vous. You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, cause someone call a referee. Cause I just need one more shot, have forgiveness. I know you know that I made those mistakes maybe once or twice. And by once or twice, I mean maybe a couple of hundred times. So let me redeem or redeem on myself tonight. Cause I just need one more shot, second chance, yeah. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Take every single piece of the blame if you want me to. But you know that there is no innocent one in this game for two. I go, and then you go out and spill the truth. Can we both say the words and forget this? Yeah. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Oh. Back on. Justin Bieber sur la première avec Sorry. 8h, 10h. Allô première, Claude Montané. Frédéric de Sainte-Marie, Maximilien Flosy, lui, est juriste conseil à l'Agence départementale d'information sur le logement, et Jean-Paul Constantin, architecte conseil au Conseil d'architecture de l'urbanisme et de l'environnement. Frédéric, c'est à vous. Très bien, merci. Merci Claude. Bonjour, messieurs les experts. Bonjour. Bonjour. Donc ma question est la suivante. En fait, nous souhaitons donc aménager donc une voie sur une parcelle, donc il faudra... pour tenir compte donc des règles d'urbanisme, prendre 3,50 m, et nous envisagerions peut-être de demander donc aux voisins de la parcelle qui est juste à côté de la nôtre de partager cette voie. Ma question donc est la suivante. Quels sont les risques que nous prendrions en faisant cette demande? Les avantages, ils sont évidents, hein, mais quels sont les risques? Maximilien Flosy, c'est très clair. Il n'y en a pas, j'ai l'impression, si j'ai bien compris, parce que je n'ai pas le plan sous les yeux, donc c'est un petit peu compliqué, mais que vous voudriez faire une voie d'accès à une parcelle qui est située derrière d'autres parcelles et faire passer le passage à cheval entre deux propriétés, donc 1,75 m chacun. Voilà, exactement. Si vous faites ça dans le cadre d'une demande de servitude de passage parce que votre terrain est enclavé, il est effectivement logique de demander à ces deux voisins parce que ça porte moins atteinte à chacune des propriétés. Et il est probable que si c'est le chemin le plus court et que vous n'arrivez pas à avoir un accord avec les voisins et que vous soyez malheureusement obligé d'aller demander cette servitude légale devant le tribunal, il est probable que le juge, s'il n'y a pas d'autres possibilités qui portent moins atteinte aux droits de propriété des voisins, la fixe à cheval, effectivement, entre deux propriétés, de façon à poser le moins de problèmes possible au terrain qui doivent vous laisser l'accès. Après, le risque à demander, il n'y en a pas. On peut toujours demander des choses qui sont dans le cadre de la légalité ou en dehors de la légalité. Une demande ne vous fait pas prendre de risque. Il est même conseillé, lorsque vous avez besoin d'un accès, lorsque vous avez besoin de constituer une servitude de passage qui n'existe pas sur un terrain enclavé, de demander à tous ses voisins. Et puis ensuite, en fonction des refus et des acceptations, on voit si on est obligé d'aller un petit peu plus loin et de saisir, dans un premier temps, la maison de justice et de droit. C'est gratuit, ça arrange beaucoup de choses. Et si jamais il n'y a vraiment pas d'autre possibilité, le tribunal. Mais comme ça, on peut prouver au juge et aux autres voisins qu'on a demandé à tout le monde et que son terrain restait enclavé, il va bien falloir que le juge tranche et donne une solution. On fixe la servitude là où elle est, soit la plus courte, soit là où elle porte le moins atteinte aux droits de propriété des voisins. D'accord. Et imaginons que le voisin donc dise oui, enfin que les voisins disent oui, que nous avons donc cette servitude de passage. Ouais. Quels sont les droits liés donc à cette servitude concernant par exemple les voisins et moi-même? Alors, les droits, si la servitude est faite pour votre terrain à vous, à ce moment-là, seuls vous-même, vos invités et les membres de votre famille ont le droit d'utiliser cette servitude. C'est lié au terrain. Une servitude, c'est un droit réel sur la chose. Et la limite, c'est que vous ne pouvez pas faire autre chose que de passer dessus. Et ça emporte également le droit de mettre des réseaux, l'eau, l'électricité, en général en sous-sol. Mais c'est la limite de vos droits. Vous ne pouvez pas garer des véhicules dessus, vous ne pouvez pas stocker du matériel, vous ne pouvez pas construire dessus. Ça reste la propriété, en l'occurrence dans votre cas, des voisins. On ne fait que passer. Voilà. C'est Et ça. Les voisins doivent laisser le passage. Ils ne doivent rien faire pour contrarier ce passage. Et notamment mettre un portail ou stocker des choses ou faire dépasser des éléments de bâtiments sur ce passage. Donc vous ne l'utilisez que pour faire passer l'eau et l'électricité, d'accord, mais pas plus. D'accord. Et les voisins, ils doivent vous laisser passer, ne rien faire, pas moins, ne rien faire qui porte atteinte à votre droit de passage. Alors, si jamais, on imagine le pire, si jamais, par exemple, il y a une voiture qui est garée sur cette servitude de passage, concrètement, qu'est-ce que je fais? J'appelle la police Frédéric, la question est très très importante. Vous restez avec nous, s'il vous plaît. On revient et avec des réponses précises. Merci. 10h midi. Vous êtes chez vous. Lionel Olivier. Vous aurez en tout cas tout à loisir de passer vos petites annonces à partir de 10h40. Nos dallons la cour. Bonjour. Comment ça va? 10h midi. Radio Novella. Le cinéma. Les bons plans. Song Story. La matinée ensemble. C'est encore mieux en première. Avec la première. Première. 8h. 10h. Allô première. Claude Montané. Je demande à Marcel de la possession de patienter, également Jean-Paul de Saint-Denis. Alors, il a posé une question très importante, Maximilien Flosy. Qui appelait dans ces cas-là si une voiture est garée, notamment sur cette servitude de passage? La police municipale, qui appelait? Alors, la police municipale peut être un bon recours, mais en fait, on est sur un problème privé, on n'est pas sur la voie publique. Dans ces Donc cas-là, la police municipale ne peut pas dresser un PV, la police nationale ne peut pas intervenir. C'est un problème entre quelqu'un qui est propriétaire d'un terrain et quelqu'un qui est propriétaire d'une voiture sur finalement des terrains qui sont privés avec des droits qui sont privés. Mais c'est vrai que la police municipale me semble être une bonne piste dans la mesure où d'abord ils ont aussi une fonction d'apaisement des tensions. Ça, c'est une première chose. Oui. Et puis, de constat, si jamais, effectivement, il y a nécessité de faire constater parce que les choses se répètent un petit peu trop souvent et que ça pose des problèmes, de constat pour étayer une éventuelle procédure par la suite pour faire condamner le ou les personnes qui ont tendance à confondre un passage avec un parking. Il ne faut pas oublier qu'il y a des problèmes de sécurité. Hein. Si vous garez votre voiture dans une voie, ça veut dire qu'un jour, s'il y a un incendie, peut-être que le camion de pompier ne pourra pas accéder. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est neutre. Ce n'est pas « oh, bah, ça gêne personne ». C'est quelque chose qui peut avoir un réel impact sur la vie des gens qui habitent un petit peu plus loin. Frédéric ? Voilà. Merci pour ces réponses. C'est clair, ça va ? Oui, c'est transparent. Merci beaucoup. C'est transparent, j'aime bien. Merci à vous. Merci. À bientôt sur Réunion Première. Nous accueillons Jean-Paul de Saint-Denis. Bonjour Jean-Paul. Bonjour à vous, bonjour tout le monde sur le plateau. Bonjour. Alors j'ai juste une question qui est relativement importante. Donc on a fait construire une maison sur Saint-Denis. Et donc il s'avère que le constructeur, il a construit la maison plus haute que prévu. Par rapport au terrain, donc de 4,10 m, la hauteur de la maison fait plus de 6,50 m. Hein. Donc la maison est déjà construite. Hein. Donc on a déposé les papiers à la mairie, donc ils nous demandent de refaire des travaux. Donc en gros, il faudrait casser la maison. Et je me suis retourné vers le constructeur, mais le constructeur, il n'existe plus parce qu'il a déposé le bilan. Il m'a dit de toute façon la maison était bien faite. Donc il peut rien faire. Donc je voudrais savoir un petit peu qu'est-ce qu'il voudrait faire pour trouver une solution. Quoi. Maximilien Flosier, Jean-Paul Constantin, alors là aussi la question est très précise. Après, qu'est-ce qu'il y a des moyens de recours là ? 4,10 m. Alors déjà, est-ce que c'est légal ? Ça fait quand même beaucoup. Ça fait beaucoup. Non, c'est pas légal. Normalement, on est censé respecter son permis de construire. Ce que je crains un petit peu, c'est que le permis de construire, il soit au nom du propriétaire et non pas au nom de l'ex constructeur de maisons individuelles qui a disparu. Donc votre interlocuteur a disparu. Peut-être disposait-il d'une assurance en responsabilité civile professionnelle. Souvent, les artisans, ça n'est pas systématique, ça n'est pas obligatoire, mais souvent les artisans ou les constructeurs de maisons individuelles ont en plus des assurances obligatoires, les assurances en responsabilité civile décennale, qu'on appelle les garanties décennales, une assurance en responsabilité civile professionnelle. Donc s'il y a eu une erreur qui provient juste du constructeur, il l'a construit trop haut, ou plus probablement il a mal estimé la hauteur du terrain naturel, je pense que c'est plus ça, parce que une surélévation de 2,40 m, ça se voit quand même. C'est quand même difficile de prétendre, quand on est le maître d'ouvrage, celui qui fait construire la maison, qu'on ne s'était pas rendu compte qu'il y avait un étage en plus dans la construction. Mais partons du principe que c'est un problème de terrain initial sur lequel on a construit. Vous ne vous êtes pas rendu compte des choses. Si votre ex-artisan avait une assurance en responsabilité civile professionnelle, vous pouvez toujours vous retourner vers elle pour le coût de la démolition et de la reconstruction conforme au permis de construire de votre bâtiment. D'accord, parce qu'en fait, c'est parti d'un terrassement. Donc, comme il avait affaire à deux maisons, donc la maison du voisin et la mienne, donc ils ont fait le terrassement et donc à un moment donné, donc je pense qu'après coup, je me dis que c'est par rapport au coût du terrassement. Donc il a fait le terrassement sur le point le plus haut et non pas sur le point le plus bas, en disant que au niveau de l'urbanisme, ça passerait. Quoi. Donc, jusqu'à la fin, puisqu'on est rentré dans la maison il y a plus d'un an et demi, donc il m'a dit de ne pas déposer les papiers à la mairie, déclaration d'achèvement des travaux, parce qu'il y avait encore des petites choses à faire au niveau de la maison. Ouais. Donc d'attendre. Et c'est lorsqu'on est on est parti le voir un petit peu pour qu'il fasse un petit peu la fin des travaux, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il avait déposé le bilan. Donc j'ai l'impression qu'il savait qu'il y avait une erreur, donc il nous a dit d'attendre jusqu'à ce que l'entreprise ne dise plus. Quoi. Alors ça a fait sourire un petit peu nos experts. Maximilien Flosier donc a donné son avis. Jean-Paul Constantin. Oui, effectivement, comme disait M. Flosier, 2,40 m, ça se voit quand même. Je ne suis pas spécialiste de cet aspect juridique par rapport aux constructeurs de maisons individuelles, mais est-ce que c'était bien un contrat de construction de maisons individuelles ou est-ce que c'était... Oui. Ouais. C'était quelque chose comme ça, ouais. C'est-à-dire qu'il faisait le clos et le couvert. C'est ça. Ouais. Donc, on était bien dans le cadre d'un CCMI, contrat de construction de maison individuelle. Donc, c'est lui qui avait dû déposer le permis de construire. Vous l'aviez signé quand même, ou pas ? Le permis de construire, je l'ai déposé, ouais. Enfin, j'ai déposé le permis de construire, je l'ai déposé, ouais. Il était à votre nom ? À mon nom, oui. D'accord. Mais dans, dans les documents qui sont joints à la demande, aux imprimés, il y a une vue en coupe. Et la vue en coupe a pour objet, justement, de montrer comment le futur bâtiment doit s'accrocher au terrain, en quelque sorte. Donc, en fait, c'est ça qui n'a pas été respecté. Et on peut toujours faire un modificatif en cours de chantier si on est sûr que le modificatif sera, passera. Et ça, c'est une faute professionnelle de ne pas le faire. Parce que vous, avec un constructeur de maison individuelle, vous n'aviez pas à vous en préoccuper. Alors, que doit-il faire ? Il faudrait voir avec les bonnes mesures. Il pourrait rencontrer soit ma consoeur, soit moi-même dans nos permanences à Saint-Denis. Et à ce moment-là, on regardera d'un peu plus près. Alors, ce que je vais faire dans moins de deux minutes, je vous laisserai les coordonnées, mais également aussi pour les auditeurs de Réunion Première, les coordonnées de nos experts. D'accord, Jean-Paul ? Très bien, je vous remercie. Voilà, beaucoup. Vous pourrez les rencontrer directement sur place, puisqu'ils tiennent des permanences dans les mairies. À très bientôt, Jean-Paul. Merci beaucoup. Merci allez, à vous. Bonne continuation à vous. Au revoir. Marcel de la Possession, bonjour. Bonjour. Bonjour. Baissez, alors vous avez un retour à côté, là. Bah, ça y est, j'ai éteint la radio. Merci, là. Merci Marcel. Oui. Alors, ça concerne ? Oui, mais moi je voudrais poser une question là concernant la caution solidaire. J'ai ma fille qui est en métropole là-bas et elle doit déménager là, à cause d'un mauvais quartier. Et elle a vu une agence, elle a trouvé une maison, on lui demande la caution solidaire. Alors que j'ai vu sur Internet qu'il y a la garantie de loyer impayé si on souscrit une assurance. Mais c'est qui souscrit cette assurance et comment ça marche ? La caution solidaire, est-ce qu'on peut dire un petit mot dessus, s'il vous plaît, Maximilien Flosy ? La caution solidaire, c'est le fait de s'engager vis-à-vis du propriétaire, dans ce cas-là, à payer le loyer au cas où le locataire ne paye pas. Donc on se porte caution, en général, pour quelqu'un de sa famille. Là, en l'occurrence, monsieur, vous porteriez caution vis-à-vis pour de sa votre fille. Voilà. Et ça n'est pas cumulable avec un système, effectivement, d'assurance loyer impayé. Mais encore faut-il que le propriétaire ait décidé de prendre une assurance loyer impayé, ce qu'il n'est pas obligé de faire. Ça, c'est une première chose. Et que votre fille soit éligible. En règle générale, les assurances, qui sont des assurances privées, qui font des assurances loyers impayés, assurent, mais uniquement dans le cas de personnes qui ont un CDI, qui touchent trois fois le montant du loyer et des charges. Bref, elles couvrent, mais uniquement quand il n'y a pas trop de risques. Dans le cas de votre fille, si elle est étudiante, par exemple, ou si elle n'a pas de revenus, ou si elle vient de trouver un travail, les assurances privées, ça risque d'être compliqué. Le propriétaire n'est pas obligé d'en prendre. Par contre, si elle vient de trouver son premier emploi, si elle est en CDD et qu'elle n'est pas très très âgée, il y a peut-être un dispositif à vérifier, mais là il faudra nous rappeler au téléphone pour qu'on ait les données sous les yeux, qui s'appelle VISAL. Alors VISAL, c'est VISALE, ça se fait sur Internet, hein, vous tapez VISAL tout simplement, et ça couvre certains locataires, hein, on cale une assurance loyer impayé, c'est un petit peu ce qu'a survécu de la loi Duflot sur la garantie universelle, qui a été complètement déshabillée et qui a quasiment disparu. Pour des personnes qui sont un petit peu instables ou qui s'installent dans la vie, il y a peut-être ce dispositif, et pour le locataire et le propriétaire, c'est gratuit. Et dans ce cas-là, effectivement, on ne peut pas demander que quelqu'un se porte caution, en plus, puisqu'on a le dispositif VISAL. Mais c'est très pointu, hein. Il y a certaines personnes qui ont droit et pas d'autres. Là, il vaut mieux nous rappeler au 41 14 24, on vous donnera un petit peu toutes les données, et ça vous permettra de vérifier si votre fille peut rentrer dans ce dispositif ou pas. Voilà Marcel. 0262, hein, 0262, bien sûr, voilà, c'est pas fixe. Voilà, je vous donne donc ce numéro de téléphone pour joindre l'agence départementale d'information sur le logement, 0262 41 14 24, d'accord ? Ok, merci bien. Merci, à bientôt. Et pour joindre le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, c'est le 02 62 21 60 86. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur la première. 8h, 10h. Allô Première, Claude Montanet. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Puisque vous êtes sur Saint-Pierre, dans un bazar de proximité, et à votre micro, il y a Liona et Johanna. Bonjour. Bonjour, et puis Jean-Luc. Alors Jean-Luc, il est en train de décharger des tomates. Bonjour Jean-Luc. Bonjour, bonjour. Jean-Luc, est-ce que vous pouvez exactement nous situer? Parce que vous savez qu'il y a un panier garni à gagner dans les minutes qui suivent, avec un mot de passe hein, qui est « Fruit de la passion » avec bien Réunion Première, parce que le fruit de la passion, c'est très cher en ce moment, bon, puisque c'est, bon, c'est la fin de la saison. Ça coûte dans votre magasin 5,90 €? 5,90 €. Voilà, ça tourne aux alentours de ces prix-là, en fait, hein, sur les marchés de la Réunion. Alors, on est où exactement à Saint-Pierre? À Saint-Pierre. Bon. Alors, on est juste en face d'une zone de travaux, il y a un centre commercial et il y a la zone du marché forain qui n'est pas très loin, hein, sur le boulevard. Donc, pour ceux qui sont dans ce secteur, alors c'est un bazar de proximité qui s'appelle le bazar 24-24, mais qui n'est pas ouvert 24h/24. Non. Jusqu'à 23h, nous. Jusqu'à 23h, vous êtes ouvert à partir de 6h du matin. 6h du matin jusqu'à 23h. Oui. Ouais. Et vous vous occupez donc du coup de décharger, charger. Et voilà. Vous avez combien de caisses de tomates là à droite? 5 caisses de tomates. Pour les mettre où? Dans la chambre froide? Pour rentrer dans la chambre froide, ouais. Et vous m'avez présenté l'agriculteur. Comment il s'appelle lui? Jean-Yves. Ouais. C'est lui qui vient de livrer les tomates là? Non. Bonjour monsieur Jean-Yves. Qu'est-ce que vous livrez vous? À moi, un petit bread. Petit bread? Qu'est-ce qu'on a livré là? Petit bread, zincofine, quoi. Est-ce que vous faites aussi des bread muffins? Parce qu'en ce moment, il n'y en a pas des bread muffins. Tu vois, moi, bread chinois. Ah, vous faites bread chinois. Bread chinois, ouais. C'est vrai qu'il y a un manque de bread muffins en ce moment, hein, pour ceux qui ont envie de manger un bon romazav. Ça va être difficile à trouver. Mais chacun son légume, chacun la sienne. Bah oui. Votre spécialité, c'est le bread chinois. Et il pousse bien en ce moment-là? Oui, il faut bien planter. Ça, on cultive ça ou? Vraiment, un tampon. Ah, sur les hauteurs Oui. Côté du tampon, en fait. Côté gendarme, oui. Comment on fait avec le froid, là? Ben, j'avais appris, il est à 5h30 le matin. Vous mettez des gants et tous les bonnets? Non, comme ça. Vous êtes habitué, bottes et tous les chapeaux, indispensables. Oui, chapeau, oui. Bon, allez, bon courage, puisqu'apparemment, la journée n'est pas terminée pour vous. Merci bien. Merci à vous. Merci. Allez, venez nous rejoindre ici, les amis, avec ces mots de passe. Il y a Yona et Johanna qui vous attend avec un beau panier de fruits et de légumes qui est pour vous. Si vous nous donnez ce mot de passe en direct dans ce bazar de proximité qui est situé à Saint-Pierre, juste à côté du rond-point, pas très loin des centres commerciaux. D'ailleurs, une zone de travaux juste en face. Merci Prisca, à tout à l'heure. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Lionel Olivier, bonjour. Bonjour Claude, bonjour à toutes et à tous. Et vous allez tout nous dire dans C'est encore mieux en première sur le Canadien Bryan Adams. Le rocker canadien, oui, ce sera retrouvé à 11h20 dans Song Story et vous en saurez un petit peu plus sur la genèse, l'histoire de la chanson Everything I Do It For You. La musique de Robin Desbois. Absolument. Allez, les pronostics de Pascal Maillot, nous sommes sur l'hippodrome de Vichy avec le prix de Cogna Lyon avec 18 partants sur 2850 mètres. Le départ sera donné à 15h47. Le montant de la tirelire, 2 200 000 €. Alors voici les pronostics de Pascal. Le 16, le 15, 18, 4, le 5, le 13, 12, le 11 et en cas de non partant, le 14, 16, 15, 18, 4, 5, 13, 12, ensuite le 11 et en cas de non partant, le 14. Il est 10h, le journal de France Info. Leur nombre a explosé ces derniers mois, mais sont-ils indépendants ou salariés? Est-il possible d'empêcher les citoyens de descendre dans la rue? Manuel Valls aimerait bien, mais cela semblerait aussi dangereux politiquement qu'inefficace. La Grande-Bretagne replonge dans la campagne après le meurtre de la députée pro-européenne Jo Cox par un homme soupçonné d'être proche des milieux d'extrême droite. Le camp qui prône la sortie du royaume de la famille européenne marche sur un fil. Numéro d'équilibriste, notamment sur le thème de l'immigration. Et puis du basket en fin d'édition. Cleveland, sacré champion NBA cette nuit aux États-Unis. Troisième titre pour LeBron James, le tout premier pour Cleveland. France Info. Football, un score neutre hier soir entre la France et la Suisse. Match nul, 0-0 pour le dernier match du groupe A de l'Euro 2016. Bonjour Sébastien Hazard. Bonjour. Avant de vous donner la parole pour décrypter avec vous ce match hier et puis surtout pour voir ce qui attend désormais les Bleus, on va voir l'état d'esprit des joueurs de l'équipe de France après ce match nul. André-Pierre Gignac, l'attaquant tricolore, ne veut pas se cacher derrière son petit doigt. Marquer rapidement dans ces matchs-là pour se faciliter les choses, pour prendre confiance, élaborer notre jeu avec plus de confiance tout simplement. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. Il faut emballer les matchs et marquer rapidement. Voilà ce qui manque à l'équipe de France, marquer rapidement. Effectivement, ça serait bien pour les nerfs des supporters de l'équipe de France. Sébastien Hazard, on peut le dire, la France est qualifiée pour les huitièmes de finale de la compétition, mais pour la manière, il reste encore du travail. Là, on attendait tous plus un Rémi hier soir comme les jours précédents. Alors c'est vrai, les Bleus ont quand même tapé trois fois sur les poteaux, mais à part les 25 premières minutes, on n'a jamais vraiment senti une équipe de France complètement dominatrice, sûre d'elle, sûre de ses forces. Et c'est un peu la même histoire qui se répète depuis le début de l'Euro. Du cœur, de l'envie, mais pas forcément de maîtrise. Le bilan de cette phase de groupe laisse un peu perplexe. Hein. Deux victoires assez étriquées et donc un match nul hier soir. Alors Sébastien, c'est désormais la grande question. Qui face aux Bleus en huitième? Est-ce qu'on connaît déjà le prochain adversaire? C'est compliqué. Hein. Sur le site de l'UEFA, vous avez tout un tableau avec les différentes combinaisons possibles, les probabilités. C'est assez technique. Hein. On sait que les Bleus vont jouer dimanche à Lyon contre le meilleur troisième des groupes C, D ou E. Sauf que pour connaître les meilleurs troisièmes de la compétition, il va falloir attendre tout simplement la fin des matchs, la fin de cette phase de groupe mercredi. Ce matin, encore une fois, il reste des matchs, mais ce qu'on peut simplement dire, c'est que le troisième du groupe C, actuellement, c'est l'Irlande du Nord. Le troisième du groupe D, c'est la République tchèque. Et le groupe E, le troisième, pour le moment, c'est la Suède de Zlatan himself. Sébastien Hazard en direct de Lyon avec Pierre Quintard pour les moyens techniques. Rappelons également que dans l'autre match du groupe A hier, l'Albanie a battu la Roumanie. L'Albanie qui caresse ainsi l'espoir de se qualifier pour les huitièmes de finale. La Roumanie, en revanche, est éliminée. Le Conseil des Prud'hommes de Paris rend un jugement très attendu aujourd'hui. Vous les avez sûrement croisés dans la rue, un énorme sac sur le dos, pédalant rapidement pour que le plat ne refroidisse pas trop. En quelques mois, la livraison de repas à vélo a explosé avec une ubérisation du secteur. Eh bien, l'un de ses coursiers attaque son ancien employeur. Il était déclaré comme auto-entrepreneur, mais veut être reconnu en tant que salarié. Philippe Duport. C'est l'un de ces 500 runners qui sillonnent les rues de Paris à vélo pour livrer des repas à domicile. 4 ans que Jérôme Pimaud travaillait pour une société qui l'employait comme auto-entrepreneur. Il demande aujourd'hui que soit reconnu son statut de salarié. Selon lui, il existait bien avec son ancien employeur un lien de subordination. Il ne choisissait pas ses clients, ses produits. Il arborait une tenue aux couleurs de la société. Bref, un faux indépendant et un vrai salarié. L'avocate de la société Toc Toc Toc souligne que les runners travaillent quand ils le veulent et qu'ils n'ont même pas d'adresse électronique au nom de l'entreprise. Auto-entrepreneur ou salarié, la différence est grande. Pas de congés payés, une retraite plus faible et une protection minimale en cas d'accident ou de maladie. Jérôme Pimaud raconte ainsi s'être fracturé le poignet en chutant à vélo. « J'ai envoyé un mail à mon employeur d'alors, raconte-t-il. Ils m'ont souhaité bon rétablissement, c'est tout. » Une femme de 39 ans aux assises de Saint-Omer dans le Pas-de-Calais aujourd'hui. Elle sera face au juge après la découverte sur la plage de Berck-sur-Mer le 20 novembre 2013. Du corps sans vie de son bébé de 15 mois. Elle avait été arrêtée en région parisienne quelques jours plus tard. Le président de la République les avait qualifiés de héros du quotidien. Le couple de policiers assassinés le 13 juin dernier par un homme qui avait prêté allégeance au groupe État islamique est enterré aujourd'hui dans l'Hérault. Une cérémonie a lieu ce matin à 10h à Pézenas. Le Premier ministre Manuel Valls aimerait que les syndicats annulent les rassemblements prévus contre la loi travail. Solution radicale évoquée dans le journal du dimanche, au moment où la CGT appelle à poursuivre la mobilisation les 23 et 28 juin. Le locataire de Matignon ne supporte plus de voir ses mobilisations tourner à l'affrontement avec les forces de police. La façade de l'hôpital Necker vandalisée la semaine dernière est le dernier exemple en date, brandi par le Premier ministre. Une question se pose cependant, dans un état de droit, est-il possible d'interdire des manifestations? Sarah Guibaudot. Il n'est pas interdit d'interdire une manifestation si elle constitue une menace pour l'ordre public. C'est assez rare. Au mois de mai, des rassemblements ont été interdits à Nantes et à Rennes, mais ils n'étaient pas organisés par les syndicats. Autre exemple récent, l'annulation de la marche pour le climat à l'ouverture de la COP21. On était juste après les attentats de Paris et au début de l'état d'urgence. Pour l'avocat Sofiane Akiki, interdire à de grandes centrales syndicales de manifester serait assez inédit et juridiquement risqué. Comme la liberté de réunion est un droit fondamental, il faut que son atteinte soit proportionnée au but recherché et conforme à un intérêt légitime. Et là, on est dans un contexte qui est pour moi un facteur de complication, c'est l'état d'urgence. Le gouvernement peut interdire des manifestations plus facilement. Alors, est-ce que le Conseil d'État donnera un pouvoir plus accru au gouvernement? Ça, c'est très difficile à dire. En cas d'interdiction, la justice administrative serait sans doute appelée à se prononcer en urgence. Bien sûr, le gouvernement pèsera aussi le risque politique. Selon le code pénal, les organisateurs qui braveraient l'interdiction risquent 6 mois de prison et 7 500 € d'amende. Quant aux manifestants, ils n'encourent qu'une contravention de 11 €. Sarah Guibaudot, le TAN, le réseau de transport en commun de Nantes Métropole, annonce qu'il n'y aura aujourd'hui ni bus ni tram en raison d'un mouvement social après l'agression d'un conducteur de bus, c'était samedi soir. Puis le référendum sur l'appartenance à l'Union Européenne a lieu dans 3 jours au Royaume-Uni. Et la campagne a repris hier matin. Elle avait été mise entre parenthèses depuis jeudi dernier, le meurtre de la députée travailliste pro-européenne Jo Cox. Rappelé en session extraordinaire, le Parlement britannique lui rend aujourd'hui hommage. Ce meurtre place les eurosceptiques dans l'embarras. Plusieurs sondages rapportent un regain du camp des europhiles et ceux qui prônent une sortie de la famille européenne sont obligés d'assouplir leur discours, en particulier sur l'immigration. Illustration hier lors d'un meeting en présence de Boris Johnson, le champion des pro-Brexit. Franck Madvon, reportage. Accueil triomphal pour Boris Johnson, champion des pro-Brexit et possible Premier ministre en cas de victoire du out jeudi. Mais il faut d'abord reprendre la campagne et surtout ne pas passer pour le camp qui divise le pays après le meurtre de Jo Cox. Après avoir durci son discours ces dernières semaines sur l'immigration, Boris Johnson se dit donc maintenant pro-immigré. Nous voulons quitter l'UE et reprendre le contrôle de nos frontières, lance-t-il, pour neutraliser les extrémistes. Ce sera la seule allusion lointaine à la mort de Jo Cox, tué par un homme lié à l'extrême droite. Les pro-Brexit sont bien conscients que le climat politique a changé après ce drame et que cela pourrait jouer en faveur du camp du IN. C'est un souci, admet David, un militant. Mais cet homme avait malheureusement des troubles mentaux. Aussi triste soit l'acte qu'il a commis, il n'a pas fait ça au nom du Brexit et du camp du Leave. Mais les pro-UE et beaucoup de commentateurs reprochent aux eurosceptiques d'avoir attisé les divisions, le sentiment anti-élite. Faux, répond Gayle. Elle vient de Cornouailles. Je rejette la faute sur notre Premier ministre qui a mené une campagne de peur. J'ai dû annuler ma carte de membre du Parti conservateur tant j'ai honte de la manière dont il s'est comporté. Preuve que cette campagne a profondément divisé le pays. Londres, Franck Madvon, France Info. Second tour des élections municipales hier en Italie, la percée historique du mouvement 5 étoiles créé il y a 7 ans par l'humoriste Beppe Grillo. Le mouvement ne contrôlait jusqu'à présent qu'une poignée de communes de taille moyenne. Eh bien, ses candidats l'ont emporté hier à Rome ou à Turin. Virginia Raggi devient ainsi la première femme à diriger la capitale italienne. Direction le pays du basket pour terminer ce journal. Aux États-Unis, c'était le match 7 cette nuit, le match décisif dans la finale NBA. Cleveland a été sacré champion après une victoire face à Golden State, franchise d'Oakland, dans la baie de San Francisco. Victoire des Cavaliers 93-89 et la joie de LeBron James, la star des Cavs. Je savais de quoi on était capable, même si on était mené 3-1 par la meilleure équipe de l'histoire en saison régulière, celle qui a gagné 73 matchs sur 82 cette saison. Tout le monde nous donnait perdant, et c'est quand on ne croit pas en nous qu'on est les plus forts. Moi, c'est quand on ne croit pas en moi que je suis le plus fort. Je suis revenu à Cleveland pour ça. Je n'arrive pas à trouver les mots. C'est incroyable. Je n'arrive pas à me dire que c'est vrai. Troisième titre pour LeBron James, le King James, qui offre ainsi un titre à une équipe de l'Ohio. Cela faisait 52 ans qu'aucune équipe de cet État n'avait emporté le moindre trophée national dans les trois sports rois. Basket, football américain ou bien baseball. Merci beaucoup Rémy Inc pour le journal. Il est 8h10. L'info revient.